une société nouvelle ou un monde nouveau. Et ce livre-là, qui est très simple, peut aider l'homme, je pense, à simplifier ce que c'est l'homme nouveau. Alors, ceux qui, des fois, seraient intéressés à lire quelque chose dans les semaines qui viennent, là, je vous l'encourage. Daniel, ben, c'est un bonhomme assez spécial. Moi, je le connais. Je pense qu'il est capable de rendre simples les mystères qui sont quand même assez complexes. Et ce soir, on a encore la chance de l'avoir avec nous pour une autre conférence qui va porter sur la société nouvelle. Sans plus tarder, je vous présente Daniel Kemp. Daniel, on a, à ma souvenance, on avait fait une conférence cet été ou à la fin de l'été sur une société nouvelle, une monarchie. Et ce soir, on continue avec, d'ailleurs, on continue tout le temps, je veux dire, ça ne donne rien de revenir en arrière, mais sur un monde nouveau. Je serais tenté à dire, bon, l'homme ancien ou même l'homme nouveau qui va entrer dans cette société nouvelle-là ou qui déjà est nouveau ou transitif, comme tu l'appelles des fois, mais qui, vu que la société n'est pas déjà en place, alors il y a à vivre avec ce qu'il faut qu'il vive. Bien, cette semaine, on avait l'exemple de la navette spatiale, je pense, Challenger, qui a explosé. Et comment l'homme nouveau réagirait à un événement comme ça? Tu sais, quand on pense que à une heure et... c'est-à-dire une minute et huit secondes, des gens existent. Une minute, deux secondes plus tard, je veux dire, sont complètement désintégrés en atomes. J'ai remarqué des professeurs cette semaine qui me disaient dans les basses classes comment des événements comme ça, je veux dire, affectent les enfants, tout ça. Alors, comment un homme nouveau voit ça, un événement comme ça? Ben, premièrement, l'homme nouveau le voit comme l'homme ancien, par ses yeux. Deuxièmement, il a la faculté, comme l'homme ancien, de le voir aussi par ses sens vitaux et astraux, c'est-à-dire par le sens de la psychologie, ainsi que par le sens de la vie. Certaines personnes qui n'étaient pas au courant de l'explosion de la navette spatiale ont soudainement senti quelque chose de bizarre chez eux, une perturbation chez eux. Et c'est une perturbation dans l'énergie vitale causée par une explosion suffisamment grande qui détruit instantanément le corps physique, le corps vital ainsi que le corps astral de personnes qui sont directement reliées à l'évolution du Canada, donc du Québec. Parce que génétiquement, sanguinement, les Américains des États-Unis d'Amérique sont de la même race que les Canadiens et énergétiquement, ils sont aussi de la même race que les Québécois. Alors, ce qui fait qu'une disparition aussi puissante et violente que l'explosion d'une puissance aussi grosse qu'une bombe à hydrogène, une petite bombe nucléaire, disons, mais sans l'effet radioactif, ne peut faire autrement que perturber l'énergie vitale de l'Amérique du Nord. L'homme ancien a plusieurs personnes anciennes, transitives et nouvelles ont vu à la télévision en direct l'explosion de Challenger. Qu'est-ce qui se passe lorsque des personnes meurent comme les sept astronautes? Il se passe exactement ce qu'on a toujours enseigné dans les antiques religions. Il se passe que les personnes qui meurent de cette façon s'en vont directement au ciel. Mais j'emploierais un mot différent du ciel, parce que ce n'est pas nécessairement le ciel tel qu'il est enseigné par l'antique religion, mais une mort de cette façon libère immédiatement l'esprit de tout assujettissement planétaire. C'est-à-dire que celui qui a une tendance à vouloir s'exprimer par l'évolution du corps humain se retrouve complètement libéré, exactement comme s'il avait fini son travail planétaire. Mais il ne l'a pas fini, il va devoir revenir. C'est-à-dire que dans une explosion par le feu, aussi violente que celle d'une torpille, parce qu'on sait que pendant la dernière guerre mondiale, on avait des Japonais qui se mettaient à cheval sur les torpilles, qu'on lançait vers les bateaux britanniques et américains, et ils dirigeaient la torpille pour être sûr que celle-ci arriverait à frapper le bateau. Aujourd'hui, on a laissé ça au repos. Lorsque le Japonais mourait dans l'explosion de sa torpille, il s'en allait directement à la même place où sont rendus les 7 astronautes du Challenger. Lorsqu'un kamikaze, lorsqu'un Japonais pilotait un avion suicide, explosait avec son avion sur un bateau ennemi, il se retrouvait aussi là où la philosophie nippone le prétendait, dans le ciel ou dans le nirvana. On a plusieurs classes de ciel. On a un ciel, un paradis, on a un nirvana qui n'est pas exactement la même chose que le ciel de la religion catholique. Et toutes ces phases de ciel, de paradis, se retrouvent dans la mémoire planétaire, donc dans l'âme de la planète. C'est le ciel dont parlait le Nazaréen lorsqu'il faisait référence aux cieux et au ciel. Lorsque le corps physique est totalement détruit, il libère automatiquement la vie, c'est-à-dire il libère automatiquement l'énergie vitale, donc la vie quitte le corps. Lorsque le corps physique est totalement détruit par une explosion avec du feu, donc comme celle de la navette spatiale entre autres, le corps vital est automatiquement détruit parce qu'il est d'ordre vibratoire similaire au feu. Lorsque le corps vital est détruit, le corps astral, la psychologie ou l'âme de la personne se trouve totalement libérée. Alors, il va commencer une période de phase purgatorielle où différents aspects de sa constitution vont être digérés par les mêmes aspects planétaires. Dans une explosion comme celle de la navette Challenger, le corps astral ou l'âme même des personnes a été totalement détruite aussi, ce qui libère instantanément l'esprit. Et normalement, l'esprit se voit libéré après la phase purgatorielle. C'est-à-dire que l'ego, l'âme, l'astral, la mémoire de la personne, l'identification de la personne va suivre un processus de digestion planétaire de façon à ce que l'expérience de la personne qui est morte puisse servir à l'évolution de la planète entière. Lorsque chaque parcelle de la vibration de la constitution de l'âme ou de l'ego est assimilée par la même forme d'énergie planétaire, l'esprit se retrouve dans une phase où l'âme vit dans un cadre beaucoup plus spirituel. Parce qu'il faut savoir que l'âme est digérée de façon matérielle au début, donc ce sont ce que l'antique religion appelle les basses passions, les passions animales, les péchés, qui vont être les premiers assimilés. Suite à cela, on aura le contexte moral chez l'âme, qui vit aussi une phase purgatorienne où cela va être digéré. Suite à cela, on rentre dans la phase spirituelle où l'âme va être assimilée par l'âme planétaire pour aller nourrir la spiritualité de notre planète. Lorsque toute la phase purgatorienne est terminée, l'esprit se trouve complètement libéré pour rejoindre le plan d'où il vient. Et la plus basse expression pure des plans de l'esprit est le plan supramental. On peut l'appeler le plan christique ou le plan de l'Esprit-Saint, donc le plan d'énergie supramentale. Présentement, l'esprit de ces 7 astronautes ont été complètement libérés, alors ils ont libéré des phases purgatorielles infernales s'il y avait lieu. D'ailleurs, on n'a plus tellement de phases infernales à long terme. Le purgatoire noir, disons, est extrêmement limité maintenant chez l'homme, sauf dans certains contextes de pays. Mais comme les 7 astronautes, de par le fait de toute façon qu'ils étaient astralement en train de travailler pour la communauté nord-américaine, sinon la communauté planétaire, parce que souvent on va critiquer les missions spatiales, alors que dans le domaine médical, on a énormément d'inventions qui servent aujourd'hui à sauver des vies, qui viennent de la recherche de l'aérospatiale. On a différents véhicules, on a différents systèmes anti-pollution, on a différents systèmes de cuisson, comme le micro-ondes. On a énormément d'inventions qui, présentement, servent autant à la médecine que l'éducation, que le confort et la sécurité publique, qui sont directement issus des programmes spatiaux. Alors, c'est sûr que si on parle de milliards de dollars qui sont investis là, si on ne regarde que le fait de placer des navettes armées pour protéger les États-Unis, ce qui est déjà une bonne chose en soi, on ne peut pas concevoir l'intelligence de l'aérospatiale. Si on demande à l'homme nouveau s'il est pour ou contre l'aérospatiale, ben, il va évidemment étudier tous les effets secondaires positifs de cette recherche, et il est bien évident qu'elle doit se poursuivre. Est-ce qu'elle doit se poursuivre d'une façon militaire? Ça, c'est quelque chose d'autre. C'est une autre question. Mais elle se doit de se poursuivre. Les personnes qui sont mortes vont revenir dans un contexte social beaucoup plus évolué, dans une société nouvelle, pour se rapprocher du thème de la conférence de ce soir, et sont dans des corps drôlement plus évolués parce qu'ils sont pas mal plus libérés que la majorité des personnes qui auront à poursuivre les phases de mortalité conventionnelles reliées aux mortels avec la phase purgatorienne qui va suivre. Alors, comment l'homme nouveau voit ça? Il voit ça comme étant une chose tout à fait normale. L'homme matériel, dans la phase expérientielle de son évolution actuelle, est un être qui meurt et qui naît. Le fait de dire que telle personne, si elle ne serait pas morte dans cette explosion, aurait vécu encore tant ou tant de temps, c'est faux parce que la preuve, elle est morte dans cette explosion. L'homme essaie souvent de créer un nouveau monde illusoire, psychologique, émotif, dans lequel aurait pu se poursuivre quelque chose, tandis que la réalité a fait que ça s'est poursuivi ailleurs. Alors, ce qui s'est passé parce que ça se devait de se passer ainsi. Ça va instruire la NASA, entre autres, qui est un organisme suffisamment ésotérique, qui ont eu des relations avec des plans extraterrestres, que ce soit au niveau des ovnis ou d'autres choses. Et ceux-ci, comme l'homme qui se conscientise, parce qu'on a énormément d'hommes nouveaux au niveau de la recherche de l'aérospatiale ainsi que de l'astrophysique, d'hommes transitifs, pour employer un terme peut-être plus juste. Et ceux-ci savent très bien, comme l'homme qui se conscientise apprend un jour à ses dépens, j'en ai parlé souvent dans les conférences, que lorsque tout semble aller bien, très bien, trop bien, c'est là qu'il faut se surveiller. Et mettre une énergie de surveillance comme on n'en a jamais vu. Alors, tout allait bien au niveau du déroulement du programme spatial jusqu'à un moment donné où quelque chose dans l'organigramme de surveillance de la NASA a été relâché. On a déjà un exemple de relâchement, les sièges éjectables des navettes qui ont été éliminés. Parce que, sans doute, plus nécessaire. Peut-être que l'ordinateur aurait pu éjecter les astronautes, parce qu'évidemment, ce n'était pas les astronautes qui s'éjectaient, c'est l'ordinateur qui les catapultait. Il peut réagir au 100 millième de seconde. L'homme ne peut pas. Alors, on a fait certaines choses, on a commencé à laisser aller certaines choses parce que tout allait bien, et là, ils ont appris à leur dépens qu'il ne faut pas se lâcher. Le repos n'en prend pas. Quand on fait quelque chose, on va vers l'avant. Alors, c'est une expérience qui va instruire le monde. C'est une expérience aussi, si on regarde cosmiquement, pourquoi une intelligence aurait permis ce genre d'incident. La nation américaine et canadienne, ainsi que la majorité de leurs alliés, vont être de cette façon beaucoup plus en communication émotive et psychologique, c'est-à-dire que cela va raffermir le rapprochement entre différentes nations, parce que le programme spatial américain permet à des astronautes français, canadiens, britanniques, etc., de pouvoir en faire partie. Alors, ce qui fait qu'un incident comme celui-ci rapproche encore. Un peu comme lorsqu'on parlait du terrorisme mondial. À quoi sert le terrorisme? Ben, à unir les forces psychologiques de toute l'Europe contre le terrorisme, et lorsqu'ils seront tous unis, ils pourront éliminer le terrorisme, mais ils resteront unis. Et c'est essentiel que l'Europe, que toutes les nations de l'Europe s'unissent. Mais la psychologie des hommes de ces continents étant suffisamment anénergisée, donc il leur manque un peu de conscience globale, ils ont une conscience nationale ou localisée, mais n'ont pas de conscience continentale. Le terrorisme international a pour fonction cosmique, il est nécessaire et il est imposé à des ayatollahs un peu plus manipulables pour que, par leurs actions, l'Europe et les alliés s'unissent en termes non pas seulement militaires, mais en termes psychologiques et énergétiques. Parce que si on veut s'en aller vers faire ce que les antiques religions appellent un gouvernement mondial, faire ce que les prophètes ont appelé un gouvernement mondial. Il faut que l'homme s'unisse. Ce n'est pas sous une bannière militaire qu'un gouvernement mondial va être instauré. Que ce soit l'Union soviétique qui manipule la planète Terre, que ce soit l'étoile rouge chinoise, que ce soit le capitalisme américain, que ce soit quoi que ce soit, ce ne peut pas être l'Union sous une bannière militaire. Alors on doit s'arranger pour que la psychologie nationale, que l'ego de chaque nation finisse par plier de façon à laisser pénétrer l'ego d'un autre, l'énergie d'une autre nation, pour s'unir devant leur incapacité d'éliminer un problème qui vient d'un tout petit pays banal et niaiseux. Bon. Alors, l'expérience même de la navette est quelque chose d'extrêmement positif au niveau de l'évolution, et les personnes qui sont mortes à l'intérieur de ça sautent un pas dans l'évolution de l'humanité, étant donné que, regroupant les énergies de l'humanité, évidemment, ils vont parfaire l'instauration d'une société nouvelle dans laquelle eux vont revenir à un moment donné. Alors, ils vont évidemment souffrir le karma qu'ils auront créé avant de mourir, c'est-à-dire qu'ils ont participé à la création d'une société nouvelle. Ils vont naître dans une société nouvelle, ils vont pouvoir en bénéficier. Si on regarde que l'homme, jadis, puis même aller jusqu'à récemment, pouvait s'asseoir, disons, sur des sécurités matérielles, des sécurités psychologiques au niveau de ses concepts scientifiques, etc. Et on voit que, tout dernièrement, il y a comme un mouvement d'accélération là-dedans. Il y a comme quelque chose qui est brassé. Il y a une accélération vertigineuse qui est exponentielle, qui est pas, qu'on s'en vient dans les années à une vitesse où tout est bousculé. Pourrais-tu parler de ce mouvement-là? D'ailleurs, c'est l'instauration encore de la société nouvelle, que tu le veuilles ou non, on s'y vient quand même. Il est bien évident que présentement, la majorité de toutes les psychologies de l'homme collectif ou individuel se fait brasser. L'homme se réveille un matin, il est changé, il se découvre, on a des films qui sont construits pour préparer l'homme à différentes choses. Et quel que soit l'ordre des films, on a des problèmes sociaux qui vont naître au niveau de la jeunesse. On a des problèmes, apparemment, problèmes, disons, financiers qui manipulent le pays. Et tout cela pour faire prendre conscience à l'homme que malgré l'intelligence de tout ce qu'il a réussi à imprimer dans la matière, il ne s'en est pas sorti encore de son problème. Et l'homme se dit souvent, mais merde, on a tout ce qu'il faut au niveau de la science pour que tout aille bien, et on a encore l'impression qu'on se dirige vers un holocauste mondial. On a tout ce qu'il faut pour que tout fonctionne, et les enfants ont besoin de musique, de drogue, de disco, de paquet d'autres manipulations, de nouvelles formes de musique, de nouvelles formes de passe-temps. Il y a quelque chose qui fait que dans la psychologie de l'homme collectif, il y a un bulldozer lentement qui avance, avec une puissance inouïe qu'on ne peut reculer, qu'on ne peut refuser, et qui vient créer des chocs, qui vient brasser. Et lorsque c'est brassé chez une personne relativement inconsciente, elle l'exprime dans un groupe collectif, en manifestation, en manipulation, en cri, en violence, en recherche pour la paix. Et ils sont prêts à se battre pour la paix. Alors, on a présentement un processus qui est instauré dans chacune des atomes ou des parcelles atomiques du cerveau de chaque être humain des continents nord-planétaires. Alors, ça regarde donc l'Union soviétique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si dans certaines parties de l'Union soviétique, c'est un petit peu en retard par rapport à d'autres endroits. C'est la même chose au niveau de l'Angleterre, de la France, de tous les pays italiens, l'Allemagne, tout cela, les États-Unis, évidemment, le Canada, une partie de la Chine, le Japon, tous ces pays nord-planétaires qui chapeautent, disons, apparemment le globe, ont cette mutation neurologique, une mutation neurochimique qui les oblige à refuser la stagnation, donc il les oblige, mais de plus en plus. Parce que l'homme, on dit que l'homme est un être insatisfait. C'est faux. L'homme a toujours été satisfait, sauf certaines parties de la société, les dirigeants, qui eux n'ont jamais été satisfaits. L'employé est facilement satisfait, sauf le patron. Mais de plus en plus dans la société, on a des êtres qui refusent, ils ne peuvent pas être satisfaits. Ils sont de moins en moins satisfaits. Et ne pouvant exprimer leur insatisfaction dans une création intelligente pour pouvoir avancer, parce que présentement, le contexte social l'empêche ou l'interdit. Ils manifestent leur insatisfaction dans la violence ou dans l'oubli, dans l'abandon par le système sonore ou encore par les drogues, la boisson, ce genre de choses. Alors, ce qui fait que, veut pas, l'instauration d'une société nouvelle, c'est commencé, c'est en marche. L'intelligence de faire une conférence sur la société nouvelle, c'est d'essayer de créer un mouvement énergétique qui pourra être un peu plus puissant chez certains êtres humains pour que se parfaisse plus rapidement l'évolution vers la société intelligente, la société nouvelle, de l'homme collectif qui ne sait pas encore ce qu'il veut, mais qui sait ce qu'il ne veut plus. Le problème, lorsque on sait ce qu'on ne veut plus, mais qu'on ne sait pas ce que l'on veut, c'est ça. C'est qu'on proteste contre tout ce que l'on a, mais on n'amène rien en échange. Et lorsque quelqu'un tente d'amener quelque chose en échange, je proteste immédiatement contre ça. Et ça, c'est une absurdité qui fait partie de la phase transitive collective. Parce qu'il faut comprendre qu'on a un homme ancien, une femme ancienne, qu'on a un être transitif et qu'on aura un être nouveau. Mais on a aussi une société ancienne, et ça, c'est indépendant de l'homme. Et c'est pourquoi c'est très important de voir la différenciation entre l'homme et la société, entre la femme et la société. Et on a une société transitive un jour pour aboutir à une société nouvelle un autre jour. Lorsque l'homme se dit « je ne peux pas changer quoi que ce soit parce que la société ne change pas », c'est que celui-ci allie sa propre personnalité à l'ego de la société. Mais l'homme doit évoluer et si l'homme se change, la société va changer. Mais la société ne changera pas si l'homme ne change pas. C'est là que c'est difficile parce que l'homme, qui on dit à l'homme, puis d'ailleurs, il est amené à être de plus en plus dans son énergie, mais par contre, comme tu dis souvent, il faut qu'il soit en écologie. T'sais, alors, rester dans son énergie, mais par contre, avec une société, une écologie qui est ancienne. Et là, il y a un gros dilemme. Là. Qu'est-ce qui va faire le changement? L'homme doit vivre une phase expérientielle évolutive qui lui permet et qui l'oblige à essayer pour goûter. Alors, l'homme va d'un extrême à l'autre. Et à un moment donné, il se place au centre. Et entre le centre, il vit une guerre entre les deux extrêmes. Jusqu'au jour où l'homme, de la thèse et de l'antithèse, arrive à faire une synthèse de ses mécanismes pour ne plus vivre dans un monde de la dualité. Dans l'Antiquité, on avait un peuple, un éparpillement humain, qui se sont reliés ensemble et celui qui était insatisfait est devenu le chef. Tous les autres ont été satisfaits que lui soit le chef, même s'il mangeait le quartier de viande le plus gros et en premier, même s'il ne chassait pas, même s'il avait les plus belles femmes. Mais c'était normal qu'on lui laisse les plus belles femmes, non pas seulement parce que c'était le chef et le plus fort, mais cosmiquement parce que les enfants seraient meilleurs. Parce que c'est normal que tu prennes le meilleur bœuf pour le croiser avec les meilleures vaches. Bon, ne faites pas trop de relations. Le chef avait du goût. Ce sont des choses normales. Et cosmiquement, c'est instruit dans l'esprit de groupe de l'humanité. L'esprit de groupe qui maintenant est suffisamment détruit par nos sociétés pour être remplacé par un ego sociétal ou national. Lorsque l'homme a ses enfants, il donne automatiquement un privilège à ses enfants, le chef. Et la société va accepter. Lorsque le chef meurt, c'est l'enfant, donc celui qui est né en premier, qui va bénéficier de la possibilité de diriger. Et encore là, inconsciemment, parce que diriger par des plans intelligents, c'est accepté. C'est normal parce que l'enfant a normalement ce qu'il faut pour être plus brillant. Lorsque cela se contamine, c'est lorsque l'ego, lorsque les mémoires apprennent que l'enfant reste pour remplacer les parents et que les enfants doivent rester, parce qu'à un moment donné, dans l'inconscient de l'ego, le chef a l'espèce d'impression qu'il va se réincarner dans ses enfants. Et C'est de cette façon, d'ailleurs, que l'humanité évolue et l'homme se réincarne presque exclusivement dans sa lignée familiale. Alors, inconsciemment sachant cela, il veut que sa lignée sanguine reste. Alors, il oblige les mariages consanguins, ce qui est interdit par l'écologie naturelle pour la simple raison que l'enfant ne peut plus être supérieur aux parents parce qu'il garde les gènes des parents. Mais s'il est mélangé à quelque chose d'autre, ça crée un enfant supérieur qui doit se mélanger à quelque chose d'autre. Si l'homme veut rester le roi, il doit prendre des femmes du peuple. Pourquoi? Pour que génétiquement, on ait toujours un être supérieur. Mais lorsqu'on garde le sang de la famille, on finit par débiliter la race. Alors, lorsque le roi est suffisamment débile, le peuple souffre et le peuple prend le dessus pour placer quelqu'un d'autre. Et on va recommencer encore une fois le même processus qu'on va redétruire pour recommencer, pour redétruire, pour recommencer, jusqu'à l'instauration de l'électorat, c'est-à-dire des contextes diplomatiques, qui ne sont pas plus intelligents que le contexte de monarchie. Lorsque le roi devient suffisamment puissant, il y a évidemment des conflits avec l'extérieur, il y a des guerres. Lorsqu'il y a des guerres, le chef est capable de coordonner l'énergie de tout le monde. Et là est l'intelligence de la société. C'est que l'énergie de chacun des individus connectés ensemble peut créer une force d'action militaire, comme scientifique, comme médicale, comme évolutive, mais une force d'action qui est de beaucoup supérieure à chacun des personnages individuels, même additionnés. C'est-à-dire que si je prends ton potentiel d'action, le potentiel d'action de chacune des personnages du monde qui est ici ce soir, et que je les sépare, mais j'additionne les potentiels, ça me donne une force. Si vous êtes regroupés et que vous travaillez dans une intelligence coordonnée, j'ai 100 fois plus puissant. Alors, le chef avait la possibilité énergétique de dynamiser ses troupes, de dynamiser sa population pour pouvoir gagner des guerres, c'est-à-dire garder un contexte d'énergie tellurique pour pouvoir se voir développer sa société. Lorsque la société commence à apparaître, c'est lorsqu'on commence à créer une organisation sociale, c'est-à-dire lorsqu'on commence à orchestrer presque tout ce qui doit être fait par chacun des individus. Dans cette phase, l'individu oublie qu'il est un individu. Et là, on tombe dans un autre marasme. Mais la société est créée. On se dirige donc vers ce qui doit être. Mais en attendant, c'est souffrant. Le roi, tous ceux qu'il a accrédités, auxquels il va avoir donné des mérites, parce que soit qu'ils l'ont bien servi, soit parce qu'ils ont trahi l'autre, etc. Plus ceux qu'il va aimer. Bref, on crée des princes, on crée des ducs. On crée une aristocratie particulière qui, eux, au nom du fait qu'ils peuvent manipuler la collectivité, le peuple, vont s'arroger tous les droits. Alors, l'aristocratie a le droit de bien manger, comme le chef à l'époque mangeait la meilleure viande. Parce qu'il doit être en forme pour pouvoir diriger. Parce qu'un troupeau de moutons conduit par un lion, c'est drôlement dangereux. Mais un troupeau de lions conduit par un mouton, c'est pas dangereux du tout. Alors, le chef doit être bien nourri, c'est normal. Et c'est pourquoi encore dans nos sociétés, le président ou le premier ministre qu'on va élire, on lui fournit l'auto, on lui fournit le chauffeur, on lui fournit la maison, on lui fournit tout ce qu'il faut, lui, sa femme et ses enfants, de façon à ce qu'il ait la tête claire pour pouvoir s'occuper des problèmes de la nation. Et évidemment, certains vont dire, oui, mais ils n'ont pas besoin de ci, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de ça. Oui, ils ont besoin de tout ça. Lorsque l'aristocratie qui a tous les droits commence à imposer des devoirs au peuple, en échange de ce qu'eux ont comme devoir envers le peuple, la protection entre autres, et l'organisation des réseaux sociaux, le peuple accepte. Mais à la longue, le gouvernement, l'aristocratie, je vous sens tellement bien de par leur égo du luxe qu'ils ont, et voulant préserver à tout prix la lignée sanguine, oublie complètement le peuple. Ils ne se servent du peuple que comme un accumulateur, comme une batterie. Ils vont chercher à l'intérieur, mais ils ne donnent pas. Alors un jour, le peuple est à plat. Lorsque le peuple est à plat, il devient insatisfait, parce que le gouvernement étant satisfait, quelque chose d'autre doit devenir insatisfait. Ils deviennent insatisfaits et ils n'ont que des devoirs envers le roi, mais ils n'ont aucun droit. Tandis que le roi ou son aristocratie n'a plus de devoirs envers le peuple, ils n'ont que des droits. Alors c'est renversé. On crée la diplomatie, et on l'a vu justement lors de la conférence, le gouvernement de demain, une monarchie. On crée la diplomatie qui, elle, est la faculté qu'a une société de pouvoir fonctionner par l'absurdité. La démocratie permet à l'erreur de subsister et empêche l'intelligence de pouvoir mener. Parce que la démocratie demande au peuple de décider une solution à un problème que le peuple ignore. On demande au peuple de régler les problèmes de la société, tandis que le peuple ignore totalement ce qu'est la société. Alors le peuple va voter au gouvernement, quitte à lui donner ce qu'il veut, lui, égoïquement, mais pas socialement, pas collectivement, égoïquement. Alors on vote pour ce gouvernement. Mais si un gouvernement amène des solutions intelligentes, le peuple n'envoie pas l'intelligence, le gouvernement ne sera jamais élu. Si le gouvernement amène des solutions égoïquement acceptables par l'émotivité du peuple, on vote le gouvernement. Mais est-ce que c'est celui-là qui devrait diriger? On parle de solutions. Alors on va dire, la solution au chômage, si un gouvernement dit qu'il va s'en occuper, on va les lire. Si un gouvernement dit qu'il va commencer à s'occuper de la pollution, on ne les lira pas. Si elle ne règle pas le chômage, elle règle au moins le problème de l'asphyxie de l'humanité à long terme. Même à moyen terme, présentement. Bon. Si on a un gouvernement qui amène des solutions intelligentes, on ne le vote pas. La démocratie permet donc au plus grand parleur, au plus grand conteur, au plus grand mystificateur de se faire élire, et jamais il n'arrive à faire ce qu'il veut parce que la société n'a pas l'intelligence pour assumer un gouvernement intelligent. Aujourd'hui, par la démocratie, on place un gouvernement qui, s'il veut être élu, se doit de donner des droits au peuple. Et le gouvernement a donc des devoirs. Le peuple, recevant des droits, que ce soit par l'assurance maladie, par l'assurance chômage, par la pension de vieillesse, par le bien-être social, par l'assurance policière, l'assurance incendie par les pompiers, la garde civile, l'armée, que ce soit tous les mécanismes de droits auxquels la population a besoin, la population a des droits, mais elle n'a plus de devoirs. N'ayant plus de devoirs, le gouvernement ne peut plus assimiler ses droits, ne peut plus assurer les droits, parce qu'il n'a plus ce qu'il avait avant. Le gouvernement a ramassé, parce qu'il avait des droits et le peuple des devoirs, une énergie incommensurable. Lorsque la balance a changé, que le peuple a eu des droits et le gouvernement des devoirs, on a lentement dilapidé cette énergie qui n'a plus été remplacée par le peuple. On en est rendu donc dans un contexte social où le peuple passe son temps à chialer et à quémander, et le gouvernement, pour être élu, se doit de dire « On va couper dans la demande, dans le devoir de la population, et on va vous donner encore plus de droits. » Et là, on va le placer en place. Mais le gouvernement, s'il donne encore des droits à la population sans obliger de devoirs, on s'en va vers une crise sociale qui est tout à fait complète, parce que le gouvernement ne pourra plus rien donner. Le peuple, ne sachant s'autodiriger, on s'en va vers une phase qu'on a vue dans d'autres pays, vers des guerres civiles, vers des crises totales au niveau social, parce que le gouvernement n'est plus respecté, n'est plus écouté. Les petits gouvernements à l'intérieur, que ce soit la police, que ce soit l'armée, parce que ce sont des petits gouvernements auxquels on laisse certains droits, vont vouloir prendre le dessus. On s'en va dans un régime militaire qui n'est plus respecté non plus par la collectivité, alors ça vire en guerre civile, il n'y a plus rien. Jusqu'à temps que l'énergie de l'insatisfaction populaire soit brûlée par la guerre, et après ça, un chef renaît, des acolytes, et on recommence un peu. Ce que Mao Zedong a fait lorsqu'il a poussé Chiang Kai-shek à l'extérieur après la Grande Guerre. La société nouvelle est une société qui doit être construite par des êtres intelligents, donc on aura une société intelligente, et cette société, elle est en voie de naissance. Parce que l'homme, même s'il ne sait pas comment exprimer dans l'action, bref, si l'homme et la femme ne savent pas encore comment agir, il y a quelque chose chez eux qui fait que ça ne peut plus se poursuivre. Et pendant un laps de temps, ils vont exprimer d'une façon peut-être malsaine dans l'apparence ce mécanisme, mais veut pas, on s'en va vers l'instauration de quelque chose d'intelligent. Dans combien de temps, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que si c'est dans 2 ans, tout le monde s'est mis à l'œuvre. C'est dans 20 ans, tout le monde attend que ce soit dans 2 ans. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas parler de temps, parce que l'homme ne peut pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais dans 20 ans, je vais avoir, clic, clic, clic, clic, je vais avoir 65 ans, voyons donc. Il y en a présentement qui ont 65 ans, et ils sont bien contents d'avoir une pension de vieillesse. Et lorsqu'ils ont voté pour la pension de vieillesse, pour qu'elle soit instaurée, quel âge ils avaient? Ils avaient un âge, peut-être, ils ont même pas été votés. Mais une chance que d'autres y ont été, parce que présentement, ils en bénéficient. Parce que l'avenir, ça devient à un moment donné toujours un mécanisme présent. Si on crée quelque chose dans la société présentement au niveau de l'intelligence, karmiquement, on en bénéficie plus tard. Et l'homme ne pense pas à son plus tard. Présentement, il a son assurance chômage, une chance qu'un jour on l'a voté pour. Il a présentement son assistance sociale, une chance qu'on a voté pour. Il a sa petite carte pour, en cas qu'il est malade, une chance qu'on a voté pour. Il a tel droit, tel droit, tel droit, tel droit. Et présentement, il ne veut pas avoir de devoir. Il se plaint toujours des taxes qui augmentent, il se plaint de ceci, il se plaint de cela. Et il quémande ceci, il quémande cela. C'est évident que l'homme a des droits. Mais la société nouvelle va être instaurée par des êtres humains, hommes et femmes, qui sauront qu'à chaque droit, il y a un devoir. C'est un échange d'énergie. Et on ne peut pas voler quelque chose impunément sans échanger l'énergie. Je vais vous donner un exemple d'échange d'énergie. Je connais une organisation qui a existé il y a 7 ans. Et cet organisme avait pour fondement principal l'essai de transformer l'éducation de nos jeunes à l'école pour en faire quelque chose d'un peu plus intelligent, en ce sens, une éducation qui serait plus adaptée à ce que le jeune vit à l'extérieur dans l'instantané. C'est-à-dire qu'au lieu de passer, de prendre 90 ou 95% de tout ce qu'on donne à l'enfant pour qu'il s'en serve plus tard, on essayait de mettre au moins 50% de choses pour qu'il s'en serve tout de suite, de façon à créer un adulte. Sinon, on l'instruit de ce qu'il devra faire lorsqu'il sera adulte, mais on oublie de s'organiser pour qu'il devienne quelqu'un qui pourra servir de ce qu'on lui donne. Alors, on ne l'éduque pas, l'enfant, on ne l'éduque pas, on l'informe. Présentement, ce n'est pas un système d'éducation qu'on a, c'est un système d'information. Cette organisation, elle avait une petite salle qu'elle louait, et elle demandait 12 $ d'entrée dans ses colocs. C'était nécessaire pour financer le loyer de la salle et les déplacements de certaines personnes qui venaient d'un peu partout de la province pour fonctionner. La majorité, à cette époque, l'homme ne comprenait pas du tout l'échange d'énergie. Lorsqu'on voulait faire du bien, il fallait qu'on le fasse gratuitement. Lorsqu'on voulait faire du mal, on pouvait demander de l'argent. Alors, on leur disait, oui, mais si vous avez reçu cette connaissance-là gratuitement, vous devriez la communiquer gratuitement. Mais ces personnes avaient risqué leur emploi. Certains avaient brisé leur ménage. Certains avaient perdu leur emploi pour pouvoir fabriquer ceci. Ces personnes n'avaient jamais rien reçu gratuitement. Ils avaient tout donné ce qu'ils avaient pour pouvoir le faire. Et là, on venait leur dire qu'ils avaient reçu cela gratuitement, qu'ils devaient le donner gratuitement. Ils ont fait la gaffe de penser que ça pouvait être vrai. Ils ont commencé par essayer dans certaines commissions scolaires et dans certaines écoles de distribuer des invitations gratuites pour faire connaître leur mouvement. Ça s'est su. Et les personnes qui venaient régulièrement payer 12 $ se sont garochées dans les institutions et ont tout ramassé. Et là, elles venaient gratuitement. Et cet organisme n'existe plus depuis 7 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu l'argent pour pouvoir continuer. Les personnes qui ont cru bien faire n'avaient aucune conscience du devoir, mais ils avaient des droits. Ils n'avaient aucune conscience de l'échange d'énergie. Alors, ils ont tué ce qu'ils avaient besoin. Et c'est continuellement comme ça qu'on fonctionne. Tu ne veux pas échanger pour ton assistance médicale, à un moment donné, on va perdre au niveau du service. Et c'est ce qui commence à se passer présentement. Parce que l'homme ne veut pas échanger. L'homme en profite. Tu veux ne pas travailler, être sur le chômage, tu travailles les quelques mois par année nécessaires, et à un moment donné, ben, y a des problèmes. L'assurance chômage n'est pas assez haute. Tu veux des droits, mais as-tu fait ton devoir? Le gouvernement fabrique l'argent, mais il n'en fabrique pas plus que ce qu'il peut en fabriquer. Alors, il ne peut pas t'en donner plus. Parce que si le gouvernement en fait plus, l'argent vaut deux fois moins. T'achèteras pas plus. Continuellement, dans n'importe quel contexte d'évolution, dans une société, si le roi, le gouvernement et le peuple, le paysan, disons, ne voit pas l'échange d'énergie qui doit s'opérer, on s'en va vers une faillite sociétale. Dans la société nouvelle, chaque être humain, homme, femme et enfant doit être éduqué à savoir que pour un droit, il y a un devoir. On parlait un jour d'un projet qui va prendre naissance à partir de ce qui pourra être généré au niveau du centre de l'universalité, qui est le projet OFSA. OFSA qui veut dire Organisation du village scientifique de l'avenir. Le premier programme même du projet OFSA est de réunir dans la province de Québec les organismes qui travaillent en vue d'instaurer quelque chose d'intelligent. C'est quoi quelque chose d'intelligent? C'est quelque chose d'écologique et de conséquentiel. D'écologique pour l'être humain comme pour le cadre dans lequel il est. Donc pour la société, pour le gouvernement, pour tous les services qui sont déjà là, comme pour la nature, les lacs, les terres, pour tout. La première phase de ce projet, c'est d'instaurer, de convaincre, c'est-à-dire d'arriver à rejoindre des personnes qui sont suffisamment intelligentes dans ces organismes, qu'ils soient gouvernementales, paragouvernementales ou sous-gouvernementales, ceux qui ne sont pas subventionnés et qui vont par des conférences payantes ou qui vont par des dons. Réunir ces personnes pour leur dire que tous ensemble, il est possible de créer un village laboratoire où tout ce qui devrait être instauré d'intelligent dans la société, on va l'instaurer là, de façon à l'expérimenter pour avoir un barème pour pouvoir après ça, pouvoir l'appliquer à la société. Ça nécessite déjà que les personnes doivent travailler authentiquement pour l'amélioration du cadre d'évolution, donc l'amélioration de la société, automatiquement l'amélioration de chacun des êtres vivants dans la société. La première fois que cette alliance a été tentée, en 1980, donc avant même que le centre ici existe, l'idée était que toutes les écoles de yoga, toutes les cliniques d'acupuncture, tous les systèmes d'éducation particuliers, toutes les personnes qui, dans quelque domaine que ce soit, disaient vouloir travailler pour l'amélioration de l'homme, pour l'aide à l'homme. En ce nom-là, on leur demandait de se réunir parce qu'autour d'une immense table, en faisant fi du nom des organisations, on discutait des problèmes inhérents à la société. Et de quelle façon, lorsqu'on avait trouvé certains problèmes, quelle serait la façon, avec l'expérience de chacune de ces formations particulières, quelle serait, on prend un problème et on dit, trouvons une solution à ce problème-là. Et lorsqu'on aura la solution, selon nos avoirs financiers, on pourra mettre un peu d'argent pour opérer une solution dans la société. Et la solution, elle sera financée par, non pas un groupe particulier, créons un nouveau nom et disons que c'est ça. Alors ça, ce n'est plus politique, ce n'est plus publicitaire, c'est pour régler. Et c'est là qu'on a découvert que 99% de toutes les organisations se foutaient royalement de la société. Ils disaient vouloir aider l'homme parce qu'ils savent que l'homme veut se faire aider. Alors c'est un moyen comme un autre de faire du marketing. Si l'homme aurait voulu se suicider, on aurait fait de quoi pour que l'homme se suicide? L'homme voulant vivre, l'homme voulant se relaxer, l'homme voulant retrouver des mécaniques chez lui, l'homme voulant avoir la paix, alors on vend cela. L'homme veut faire du yoga, on vend du yoga. L'homme veut méditer, on vend la méditation. Pourquoi voulez-vous méditer? Pourquoi faites-vous ce genre de méditation? Parce que ça libère l'homme, parce que c'est ici, parce que cela. Alors j'ai dit parfait. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un centre de référence. Quand une personne vient me voir, elle me dit ce qu'elle a besoin. Par rapport à ce que vous offrez, je l'envoie là. Alors non, tous les organismes disaient, oui, mais même cette personne-là, nous, on peut l'aider. Parce que le yoga, ça fait tout. Dans la méditation, ça fait tout. Telle affaire, ça fait tout. Alors, ce qui fait qu'on s'est rendu compte, encore une fois, que la société n'était pas prête à travailler pour elle. Le laboratoire, c'est quelque chose de neuf. Et là, on va donc recommencer l'expérience. Mais qu'est-ce que c'est la société nouvelle? Comment elle peut-elle être instaurée? Chaque fois qu'un homme, une femme, voit quelque chose qui a de l'allure, qui est intelligent, et c'est important même si elle ne le vit pas, si elle faut être intelligente, elle devrait automatiquement faire en sorte que ça se sache que cette personne est l'époux. Prenons l'exemple de l'alcoolisme au volant. On a plusieurs personnes qui sont prises avec l'alcoolisme et qui ne sont pas nécessairement des personnes qui se saoulent. Mais c'est intelligent. Même si c'est le gouvernement du Québec qui a décidé, le gouvernement fédéral, le gouvernement, ce que vous voudrez, c'est intelligent. Ça peut sauver des vies. Et c'est intelligent de sauver des vies. Oui, mais moi, je bois. Je ne suis pas pour être pour. Campagne anti-tabagiste, toi, tu fumes. Tu peux être pour. Même si tu fumes, tu peux être pour. Puis quelle puissance ça va avoir, ça, que les fumeurs soient pour l'antitabagisme, pour le fait qu'on réduise la publicité, pour ceci ou pour cela? Bien, ça crée un contexte de société intelligente. Ça crée que moi, j'ai un problème. Ça crée que je ne peux pas m'en sortir. Mais je sais que le problème est stupide. Je me drogue. C'est pas vrai. Je me drogue. J'en ai besoin. Je suis faite. Et si on décide qu'on veut faire une campagne contre la drogue, là, je devrais embarquer. Mais là, ouais, tu te drogues, toi, que tu dis qu'on n'aurait pas à se droguer. Fait que rentre donc chez vous. C'est ça que l'homme ancien va dire. C'est un beau parleur, mais c'est un petit faiseur. Puis après, si ce qu'il dit est intelligent, c'est nécessaire qu'il le fasse pour que toi, tu le fasses. Non. Mais dans la société égoïque moderne, si lui le fait pas, moi, je le ferai pas. Quand il sera évolué, je commencerai à évoluer. Tout le monde dit ça. T'as des problèmes avec tes enfants, fait, viens pas me compter comment on pourrait, comment moi je pourrais régler mes problèmes avec mes enfants. T'es un professeur, pis ça marche pas avec tes enfants chez vous. Fait, viens pas me faire croire que ça marche dedans ta classe. Mais souvent, ça marche dans la classe, ça marche pas mieux. On est toujours en train de faire une crise d'égo parce qu'on attend que l'autre bouge. Puis l'autre attend que moi je bouge. Alors, c'est que moi attends. Il y a beaucoup de choses présentement dans la société. Prenons l'exemple d'un organisme qui s'évertue à instruire la population qu'il devrait cultiver d'une façon biologique, d'une façon moins toxique et d'une façon à ce que le sol ait suffisamment d'aliments pour que le fruit ressemble au niveau de l'analyse chimique à ce qu'on a dans les livres. Parce que souvent, on dit une pomme, ça contient quoi? Tu regardes dans les livres, ça contient ça. Ta pomme contient peut-être pas ça. Ça contient peut-être d'autres choses qui ne sont pas dans le livre, qu'on ne mettra pas non plus. Un jour, vous allez voir sur les produits, comme sur les vêtements, on a des vêtements à fibres inconnues. Un jour, on aura aussi des produits alimentaires inconnus. Lorsque les personnes voient l'intelligence de ça, ne peuvent-elles pas s'arranger pour qu'on sache que ces personnes en voient l'intelligence? Lorsqu'il y a quelque chose d'intelligent quelque part qui se fait dans la société, c'est écologique conséquentiel. La majorité silencieuse devrait commencer à parler. Et là, automatiquement, on instaure le cadre même d'une société intelligente. Combien de parents vont encore voir les professeurs ou le directeur ou le conseiller pédagogique, je ne sais pas combien de parents ici qui ont des enfants, lorsque c'est la remise des bulletins et qu'on demande aux parents d'aller faire un tour? Il n'y a pas beaucoup. On y va réellement quand on veut expulser l'enfant ou quand l'ego du parent est mal pris parce que l'enfant coule. Mais rarement on va y aller parce que ça fonctionne ou parce que c'est dans la moyenne. Rarement. Ça ne nous intéresse pas. La société n'a qu'à s'occuper d'éducation. Nous, on n'a pas à s'en occuper. Lorsque l'homme devient, lorsque la femme devient intelligent, automatiquement, il s'en occupe. C'est un petit peu d'énergie. Se lever, s'habiller, y aller, on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas comment. Les professeurs avec, ils rencontrent les parents, puis ça ne pas ce qu'ils vont leur dire. C'est un petit peu d'énergie placée pour qu'à un moment donné, cette énergie-là revienne en gros sur soi. Mais on n'ose pas. Parce que jamais, savez-vous pourquoi l'homme ne veut pas faire le petit déplacement, mettre un petit peu d'énergie, parce qu'il est convaincu que ça ne servira jamais à rien. C'est pas parce que je vais aller, c'est pas parce que je vais, c'est pas parce que ça va changer quelque chose. Lorsque un le fait, ça change pas grand-chose. Mais s'il continue à le faire, puis qu'un autre se rajoute, puis un autre se rajoute, puis un autre se rajoute, mais il faut qu'il y ait à un moment donné qu'il y ait un qui commence, il faut qu'il y ait un qui décide qu'il se rajoute. On a eu aux États-Unis, il y a quelques années, dans une réserve indienne, un conflit suffisamment grave pour que la police vienne ont encerclé une partie de cette réserve. On avait une école d'Indiens là, et on avait des jeunes blancs qui s'étaient sauvés de leur famille, de leurs parents, 16 ans, 17 ans, et qui avaient été se cacher dans la réserve. Et les Indiens, ils avaient bien accepté. Et à un moment donné, par suite de certains problèmes entre les Blancs qui ont attaqué les Blancs et qui ont mis ça sur le dos des Indiens, et ça fait pas tellement longtemps, ça fait quoi, une trentaine d'années? 20 à 30 ans. La police est venue, ainsi que l'armée, et ils ont entouré cet endroit, ils ont obligé les Indiens à se rendre, les Indiens de cette école. Lorsque les Indiens et les jeunes et plusieurs Blancs sont sortis en chantant, c'était le soir, donc ils avaient tous des flambeaux, ils s'amusaient, vous savez, peace and love. On a donné l'ordre aux soldats d'ouvrir le feu dans les airs. Alors, évidemment, la manifestation, ça n'a rien donné, parce que les jeunes, rendus dans une certaine forme d'énergie, ne sentent même plus la mort. Ils s'en foutent. Alors, ils sont restés, ils ont continué à lentement avancer vers les forces militaires. Soudain, alors, on a un mec qui a décidé de donner l'ordre d'ouvrir le feu sur les manifestants. Mais ce n'était pas des balles de caoutchouc, c'est l'armée. Les balles de caoutchouc, ils n'en avaient pas. Alors, ils ont ouvert le feu sur les manifestants. Ils en ont tué quelques-uns, ils en ont blessé plusieurs. Et on a un soldat là-dedans qui, lui, n'a pas voulu tirer. Alors, son supérieur est venu lui dire qu'il devait tirer. Alors, il a tiré dans les airs. Le supérieur lui a dit, tu te moques de moi, c'est la cour martiale, si tu ne tires pas sur les étudiants. Alors, il a tiré, et le premier coup de feu qu'il a tiré, il en a tué un. Comme juste en avant de lui. Alors, le supérieur ravi s'est en allé. Le soldat s'est levé debout, il a traversé ses sacs de sable, il s'est en allé avec les manifestants. Alors, le feu a cessé immédiatement. Il s'est placé devant les troupes, il a ôté son chapeau, il l'a placé sous son bras et s'est placé au garde-à-vous militaire. Donc, il était toujours un soldat. Et il représentait l'énergie de ce que devrait être une force de protection militaire. Un deuxième s'est levé, c'était l'espèce à côté. Au garde-à-vous. Un policier, un méchant flic est allé, écœuré, c'est bien sa côté. Une personne l'a fait. Même s'il se serait fait tuer, ça n'aurait tout changé au niveau de la société de nous. Un deuxième l'a fait, empêchant le premier de se faire tuer. Un troisième, cour martiale, troisième, c'est un policier, plus de cour martiale. Parce que ça ne va plus. Tous les mécanismes de la sécurité, apparemment militaire et gouvernementale, sociale, par rapport à un conflit qu'ils ne comprenaient pas, commençaient à être déchirés. Parce qu'un s'est levé. Et à un moment donné, ben là, il y a quelques Indiens qui sont apparus, ceux de la réserve, et ils étaient tous armés, puis ils ont bien fait comprendre aux Blancs que le premier traité de paix signé en 1815 avait été brisé par les Blancs en 1827, le deuxième traité de paix en 1880 a été rompu par les Blancs en 1901, et le dernier traité en 1927 vient d'être rompu par les Blancs. Quand une personne a l'intelligence et l'énergie de décider qu'elle le fait, pas en manifestant, ni en allant s'asseoir sur un trottoir de palais de justice. Il y en a des moyens. Dans la société constituée par l'inintelligence ou l'intelligence inorganisée de l'homme présent, qui a toujours quelque chose à faire pour arriver à constituer l'intelligence. Est-ce que ça doit se faire instantanément? Non. Est-ce que ça doit se faire en dedans de 2 mois? Pas nécessairement. Parce que la masse... elle ne sait pas quelle est la société. Donc, elle ne sait pas qu'elle a la puissance. Et lorsque la masse découvre qu'elle a la puissance, c'est quasiment toujours par la violence qu'elle va s'en servir. La société nouvelle ne peut donc pas être instaurée par une révolution. Une révolution, comme on va le voir, avec la violence. Il faut que chaque fois qu'une personne a une idée intelligente, qu'elle s'arrange pour la faire connaître. Par le biais d'un journal, par le biais d'un organisme, on a suffisamment d'organismes, qu'elle en parle à certaines personnes, qu'il y a tout ce qu'il faut dans la société, mais l'homme n'a pas l'énergie de se déplacer, de prendre un annuaire téléphonique, de fouiller, de téléphoner. Voyons donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? À l'âge de 14 ans, j'avais envoyé une demande de subvention pour une idée que j'avais à toutes les grandes organisations, les grosses compagnies. Et j'ai eu la surprise de voir Alcan Canada et Golf Canada me répondre. Ils m'ont invité à leur bureau, ils en ont jasé, ils m'ont expliqué pourquoi qu'ils ne pouvaient pas, disons, travailler avec dans le sens qu'on voulait faire. C'est qu'à 14 ans, c'était compréhensible. À l'époque, je ne comprenais pas tout à fait. Mais dans le cadre d'aujourd'hui, moi, je pourrais faire confiance à un enfant de 14 ans, mais c'est compréhensible qu'un homme de conventionnel ne puisse pas. Mais je ne pensais pas qu'on répondrait. On a répondu et on a invité. Si on regarde l'Américaine qui un jour a écrit au dirigeant suprême de l'Union soviétique, elle a fait un voyage en Union soviétique. Même si c'est un voyage propagandiste ou un voyage sincère ou disons ce que l'on voudra, cette personne, un jour, elle a fait une démarche et elle a eu un résultat. À sa suite, plusieurs jeunes ont écrit parce qu'ils étaient sincères ou parce qu'ils voulaient voyager. C'est à voir. La société nouvelle, elle s'instaure lorsque l'homme nouveau, lorsque la femme nouvelle, lorsque l'homme transitif, lorsque la femme transitif commence à appuyer ce qu'il y a d'intelligent dans la société. Un jour, on a créé un parti politique particulier. Un jour, on en crée un autre. Certaines personnes se lèvent et décident d'appuyer des choses. Mais est-ce que c'est appuyé d'une façon écologique? Au début, toujours. Et à un moment donné, la puissance instruit l'ego et on finit par ne plus vouloir perdre la face. On ne veut plus s'adapter, on ne veut plus changer. J'ai déjà dit que si un jour, moi, j'étais au gouvernement, lorsque l'opposition amène quelque chose contre mon gouvernement et que ça a de l'intelligence, je dis automatiquement à l'opposition, génial. Demain, on change tout puis on prend votre idée. Là, l'opposition va tomber sur le derrière bien raide. Et là, je vais même offrir au gars qui a ces idées-là de travailler pour mon gouvernement. Il ne voudra pas. C'est sûr, parce qu'il a son ego. Lui, il est dans telle bannière. Il n'est pas pour l'intelligence. Il est dans cette bannière-là. Et un jour, l'opposition va dire, oui, mais ils prennent toutes nos idées. Parce que votez plus pour eux autres, votez pour nous autres. Alors moi, je peux répondre, nous sommes dans des bonnes idées. On est le seul gouvernement qui prend les bonnes idées de n'importe qui, quelle que soit la bannière politique. Parce que le gouvernement, il est là pourquoi? Pour gouverner, c'est-à-dire pour diriger d'une façon écologique et intelligente ce que le peuple veut. Mais pour que le gouvernement sache ou dirige l'intelligence du peuple, il faut que le peuple sache où il veut aller. Donc, il faut que le peuple soit intelligent. On ne peut pas avoir un gouvernement intelligent tant qu'on n'a pas une société intelligente. La société intelligente, intellectuellement, on en a une. Société intelligente, elle va naître lorsque chacun des personnes, lorsque chacun des hommes et des femmes, et même des enfants, vont être capables, lorsqu'ils voient quelque chose d'intelligent, de dire « moi, je suis pour ». Je ne fais que dire « je suis pour », c'est déjà quelque chose, parce que c'est de l'énergie qui va pouvoir servir celui qui fait quelque chose. Si on a un personnage qui, un jour, s'en va dans un pays, prenons l'Afrique du Sud, pour aller dire que lui est contre. On va lui dire, ici il dit lui, je parle au nom de 6 millions de personnes. Ouais, on écoute. Et les 6 millions de personnes, ils ont juste dit, je compte, je compte, je compte. Lui s'en va là et dit, on est contre. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas rien y faire. Mais il est tout seul. Parce que des personnes ont osé dire « j'étais contre ». Donc, je suis pour le fait que d'aller leur dire qu'on est contre. On a quelque chose d'intelligent ici, que ce soit une lutte anti-pollution, que ce soit telle ou telle, telle chose, ça va coûter de temps. Ça va coûter de l'argent. Donc, de l'énergie de temps. Parce que lorsque vous travaillez, vous mettez de l'énergie de temps et on vous donne de l'argent. Lorsque ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Êtes-vous en droit de respirer un air pur? L'homme va dire oui. Le gouvernement a le devoir de vous donner un air pur. C'est vrai. Mais le peuple a le devoir de donner au gouvernement la possibilité de donner le droit de respirer de l'air pur au peuple. Ça va coûter de l'argent. Êtes-vous prêt à payer pour un air pur? Ça va coûter ceci pour une chose intelligente. Êtes-vous prêt à payer pour l'intelligence? Plus souvent qu'autrement, on ne veut pas payer. Parce que, on va se faire fourrer encore. On va se faire fourrer encore. Êtes-vous prêt à payer pour vous assurer que l'homme, que le peuple ne se fera plus avoir. Êtes-vous prêt à travailler en fonction de donner des choses? Un jour, peut-être, dans un gouvernement, le parti de la relance va exister, chose qu'on a déjà parlé. Ou on dit au peuple, vous avez une solution intelligente, amenez-la, on va l'étudier. Si ça a de l'allure, on vous donne 5 000 $. Puis si vous êtes prêt à venir travailler pour la diriger, on vous engage. Là, le peuple va travailler pour la société. Même ceux qui travaillent pour le 5 000 $ vont envoyer décider. Et quand tu as 2 millions d'adultes qui t'envoient décider, tu as toujours les bonnes idées dedans, plus toutes les autres. Et le gars qui est en train de mourir à réfléchir pour tout le monde et qui se fait toujours blâmer d'avoir mal réfléchi, bien, il va l'avoir décidé à regarder. Il y a moyen, c'est pas cher, 5 000 $ pour avoir l'idée qui te permet de construire ta société. J'ai vu un Québécois cette semaine qui a inventé un petit gadget à 4 $ là, qui mesure l'alcool, le poids que tu as exactement. Il y a 3 facteurs qui font au bout que tu sais si t'es un danger, puis ça coûte 4 $. T'sais. C'est des idées qui sont minimes, mais qui peuvent avoir des impacts quand même plus grands qu'on pense. C'est tout ce genre de petites idées que lorsqu'elles apparaissent quelque part, vu que personne n'y fait attention, parce qu'on regarde la catastrophe, ici, il y a eu un accident, il y a eu un meurtre, il y a un père qui violait sa mère, bon, et un paquet de cossins. Puis toutes les choses anodines, qui souvent sont intelligentes. Est-ce que vous prenez le temps de lire les lettres ouvertes dans les journaux? On a quelques conneries. Mais on a des personnes de temps en temps que peut-être qu'on devrait juste leur communiquer pour leur dire « Est-ce que vous avez écrit que je le connais? » Puis si un jour, cette personne-là s'amasse avec... une autre personne qui fait une conférence. C'était « Ce que je ferais avec 1 000 000 $ ». Elle a fait une conférence où elle a expliqué dans sa conférence que si elle avait ça, elle partirait l'un des plus grands instituts de technologie parce qu'il était... Le lendemain matin, il y a un des conférenciers, une des personnes du public qui était là, qui l'a téléphoné pour lui dire « J'ai ton 1 000 000 $, j'aimerais te rencontrer. » C'était un grand patron d'une immense compagnie. Le gars est allé, ils ont jasé ensemble, il a bien expliqué ses choses, il a fourni des gestionnaires pour travailler avec, c'est un des plus gros instituts maintenant qu'on a aux États-Unis. Qui est parti comme ça. On est rendu à la pause, je pense. Merci beaucoup, Daniel. Et je vous rappelle que là, on va prendre une pause d'à peu près 20 minutes, une demi-heure. Si vous avez des questions, vous pouvez les apporter ici en avant. Et le spécial est toujours valide dans le sens que vous pouvez, avec le biais de l'achat de la semaine prochaine, vous avez... Ben, avant, Daniel, peut-être, parce que là, je viens de lire en diagonale plusieurs questions, puis... J'ai aimé la semaine dernière quand tu as parlé de l'échelle vibratoire où toute la création était située là-dedans. Pourrais-tu situer peut-être la société, l'homme ancien, l'homme nouveau, par rapport à cette échelle-là? Est-ce qu'il y a une énorme différence de taux vibratoire entre chaque échelon? Bon, tu qu'on parle d'une façon éthérique de la société. Alors, la société, c'est l'amalgame, donc c'est le rapprochement presque fusionnel de toutes les puissances exprimées par l'homme lorsque l'homme recommence à revenir vers la source d'où il est parti. C'est-à-dire lorsque l'homme recommence à évoluer. Chaque être humain est le réceptacle d'une énergie qui, suite à la création de l'univers, pour faire référence à ce que Guy me demande, conférence de la semaine dernière, vient s'asseoir sur une période énergétique réglée par le temps, donc sur une forme matérielle qui peut être le corps physique. Suite à cela, le corps vital, le corps astral, le corps mental. Et lorsque ces différentes formes d'énergie, c'est-à-dire pour être peut-être plus compréhensif, prenons l'énergie de la psychologie, du monde astral, le monde des mémoires. Chaque fois qu'une énergie intelligente traverse le corps mental de l'homme, si le corps mental de l'homme n'est pas suffisamment énergisé, alors automatiquement il le traverse et il vient frapper l'ego. C'est ce que l'ego appelle une illumination, un contact avec Dieu, un éclair de génie. L'ego va apprendre par ce contact énergétique et il va assimiler une partie de ce contact, ce que lui va appeler pensée ou réflexion, parce qu'il réfléchit l'énergie intelligente. En ce qui nous concerne, pour l'instant, l'énergie supramentale. Tout ce qui ne sera pas intégré par l'ego va être rejeté à l'extérieur de l'ego en expression. Cela crée une forme énergétique que l'homme peut appeler l'aura. Cela crée aussi une puissance mentale qui, si elle est additionnée l'une à l'autre, crée ou recrée dans un contexte de groupe l'énergie intelligente qui s'est exprimée à l'intérieur de chacun des individus. Cela veut dire que l'énergie christique ou supramentale, lorsqu'elle descend dans une personne, la partie de cette énergie qui est assimilée informe l'ego, crée l'évolution de l'ego, crée donc l'évolution de l'énergie intelligente. Tout le reste de cette énergie qui ne sera pas intégrable par l'ego va être exprimé à l'extérieur sous forme de puissance, sous forme de pensée, sous forme d'énergie. Et cette énergie, lorsqu'elle est diffuse d'une façon incontrôlée à l'extérieur de l'homme, elle va réénergiser le contexte planétaire, c'est-à-dire qu'elle va être absorbée par le ciel, par l'astral planétaire, par la psychologie de la planète. Si les individus qui ont ce contact se regroupent, l'énergie de l'intelligence qui descend et qui est éjectée, donc qui n'est pas intégrée, expérimentée par l'ego, va s'additionner à celle des autres énergies qui ont été rejetées par les autres égos du groupe, et ces énergies vont pouvoir se reconstituer pour devenir une puissance beaucoup plus intelligente. Parce qu'il faut comprendre que chaque fois qu'une personne intègre une parcelle de l'intelligence christique ou supramentale, il en rejette le reste. Si 100 personnes ont ce contact et qu'ils en rejettent ce qu'ils n'intègrent pas, il y a de fortes probabilités dans le domaine mathématique planétaire que tout ce qui sera rejeté pourra compléter ce qui aura intégré par l'autre. Ce qui veut dire que, je prends un exemple, Guy et moi. Guy reçoit cette énergie, son ego en expérimente la moitié. Il va donc en rejeter la moitié. Moitié qu'il ne pourra se servir. Moi, j'en expérimente aussi la même énergie, j'en expérimente la moitié. J'expérimente la moitié que Guy a rejetée. Et je rejette la moitié que Guy a expérimentée. Ce qui fait que lui et moi, si on s'allie, on aura sans doute par la parole la possibilité d'en arriver à des solutions intelligentes. Parce que ce qu'il a, je ne l'ai pas. Ce que j'ai, il ne l'a pas. Mais en plus, si nous, on est groupés, lorsqu'on a ce contact énergétique, l'énergie que je rejette va être complémentarisée par l'énergie que Guy va rejeter. Donc, on a aussi autour de nous la même intelligence qui a descendu chez nous quelque temps avant, et qu'on a intégré son moitié. Ce qui fait que lui et moi, je vais te laisser y aller, ce qui fait que lui et moi, on a le potentiel de l'intelligence et on a l'énergie intelligente de l'action. Lorsqu'une société se crée, évidemment, l'être n'assimile pas nécessairement 50%. Ça peut être un millionième de pourcent, comme ça peut être la totalité. Lorsque le groupe, lorsque le monde se réunisse, d'ailleurs le Nazaréen avait déjà dit aussi, là où deux ou plusieurs se réuniront en mon nom, nom d'intelligence christique, je serai parmi eux, n'a pas le choix non plus, parce que lorsque l'intelligence supramentale, appelée alchimiquement énergie christique, va descendre chez chacune des personnes, ce qu'ils vont expulser va créer l'énergie christique, l'énergie supramentale d'une façon intégrale. Alors automatiquement, de cette façon, le Christ est parmi eux. Mais non pas l'être humain christique, là. Non pas chez Joshua ben Joseph, Jésus. Donc, lorsque l'homme se regroupe de façon à travailler intelligemment, il a la faculté. S'il veut travailler égoïquement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. L'énergie mentale n'étant pas suffisamment énergisée chez l'homme, l'ego expérimente le contact intelligent et l'adapte à ses désirs. Il ne pourra jamais se servir de l'intelligence qu'il aura expulsée. Et cette intelligence va créer le ciel astral chez l'homme, le ciel le plus hautement spiritualisé. Alors l'ego essaie d'entrer en contact avec ce ciel. Et lorsqu'il a un contact, il en intègre une partie qui l'adapte à lui-même par l'intermédiaire de l'ajusteur psychologique, l'intellect. Et il expulse encore une fois ce qu'il ne comprend pas. Lorsque plusieurs personnes se groupent, ils vont créer une intelligence, ce qu'on peut appeler l'intelligence christique ou supramentale, au-dessus même de la société, donc de leur groupement. Et s'ils veulent travailler dans l'intelligence, ils vont être capables de se servir de cette puissance. Alors, la constitution de la société nouvelle va être d'autant plus facile et d'autant plus puissamment facile lorsqu'on aura suffisamment d'individus qui, même s'ils ne se connaissent pas, se regroupent dedans l'élan de ce qu'ils veulent faire. Si une personne à Chicoutimi décide d'appuyer ce qui est intelligent, et si une personne à Amos décide d'appuyer ce qui est intelligent, ou à Sainte-Terre, ou à Victoriaville, un peu partout, que ce soit à Vancouver, que ce soit en Californie, que ce soit à Miami, à Melbourne. Lorsque des personnes décident d'appuyer l'intelligence, automatiquement, ils se réunissent. Et s'ils se sont réunis, non pas par le corps, mais par l'esprit, c'est-à-dire par le premier palier de l'esprit, intelligence supramentale, automatiquement, ils auront la faculté de se servir de tout ce qui est expulsé de l'incompréhension collective qui vient énergiser cette sphère mentale ou supramentale dans le domaine de la psychologie astrale. Et ils auront donc la faculté de se servir d'une puissance nouvelle, celle d'être capable d'agir de façon écologique, celle d'être capable que par ce qu'ils se sont présentés quelque part, créer un remous. Alors automatiquement, éthériquement, la société nouvelle se constitue par le fait que l'homme, ayant ce contact, en intègre une partie, expulse le reste, et lorsqu'il veut travailler en fonction d'intelligence, automatiquement, il va être capable de se réunir à d'autres personnes, et ces personnes réunies reconstituent, dans le domaine psychologique, de la psychologie collective, les mécanismes de l'intelligence. Lorsqu'on a une personne qui a des idées de génie, elle rencontre certaines personnes qui sont des administrateurs, qui sont des personnes qui ont quelques idées, et elle les dynamise. Elle les fait parler. Et là, elle se sert de leur énergie intelligente, tout ce qui... Parce que lorsque tu forces une personne à se dépasser, elle monte en vibration. Tu l'énergises, tu la, ce qu'on appelle la booster. Tu la survoltes. Et à un moment donné, elle a ce contact avec l'intelligence. Mais elle ne le sait pas parce qu'elle ne connaît pas les termes et elle n'a pas un contact suffisamment puissant pour découvrir qu'elle a un contact. Alors, elle a des idées et elle commence à parler et elle donne des idées. Le gars intelligent, il prend en note. Idée farfelue, c'est pas grave. Idée intelligente, idée farfelue, idée intelligente. Et il motive, il énergise. Il énergise, les personnes intègrent une partie, il la transmet en parole, mais lui se sert de tout ce qui n'est pas intégré comme énergie et il crée une compagnie. Il crée Ford, il crée Amway, il crée tout ce que vous voudrez, qui fait qu'à un moment donné, certains personnages deviennent milliardaires, même si de prime abord, ils n'avaient pas l'instruction pour le devenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont su faire en sorte que l'énergie descende d'intelligence, transparaisse chez quelqu'un, que celui-ci l'exprime, et tout ce qui n'est pas exprimé, lui travaillant pour la construction intelligente, s'en sert. Un gouvernement qui a cette faculté-là chez le peuple, rend le peuple intelligent et se sert de toute l'intelligence qui n'est pas accessible au peuple pour continuer à rendre le peuple intelligent. Et lui-même, évidemment, se rend intelligent. Et c'est ce que les grands patrons font, c'est ce que les grands directeurs de multinationales ont fait. Ils ont la possibilité d'énergiser du monde, de leur faire croire, on va dire, qu'ils peuvent réussir. Et le comble du malheur, c'est qu'ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils les ont fait croire, ils ont instruit leur ego de prime abord qu'ils pouvaient réussir, chose tout à fait intelligente et évidente. Sauf que tant que l'ego se le refuse, l'ego ne laissera pas les énergies l'amener dans une réussite probable. Une fois que cela est fait, alors il peut commencer à leur demander des opinions, des idées. Il crée un conseil d'administration, un conseil de gestion, un conseil d'idées. où on va amener les idées. Et lui se sert des idées, mais se sert surtout de tout ce qui n'est pas amené comme idée, idéifié. Ça crée un pouvoir suffisamment puissant. On va dire, il peut motiver, c'est un meneur d'hommes. Ce n'est pas un meneur d'hommes. Bon, lui peut penser qu'il en est un. C'est une personne qui a la faculté de se servir de l'énergie intelligente créée par la société, que ce soit une société industrielle ou une société humaine, et de pouvoir s'en servir de façon à diriger. Mais chaque être humain a la faculté de se servir de cet égrégore, de cette énergie intelligente, sauf que chaque être humain ne pense pas. Il remet ça entre les mains d'un gouvernement. C'est pourquoi avec l'homme nouveau, va s'individualiser suffisamment pour être dans son intelligence, pour arriver à se servir lorsqu'il aura besoin de cette même énergie. Mais il saura qu'il devra se grouper parce que c'est intelligent de se grouper. C'est un élément complètement neuf là, que tu amènes, que l'intelligence ne gaspille jamais, dans le sens que si elle donne, comme tu dis, la moitié à une personne et qu'elle sait que l'autre moitié va être donnée à l'astral, elle ne refera pas la même chose avec une autre personne, mais que le résidu soit absorbé par l'autre. Donc, c'est une délégation. C'est pourquoi l'homme se complète. Pour deux raisons. L'homme, la femme, évidemment. L'humain se complète pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, l'esprit est réparti dans plusieurs êtres humains différents. Différentes facettes de l'expression de l'esprit. Alors, ce qui fait que ces personnes doivent se rencontrer pour pouvoir cheminer ensemble, vivre une vie similaire, parce que dans le monde des morts, ils vont se retrouver de façon à être réincarnés de manière fusionnelle dans un seul corps, pour que l'esprit un jour arrive à avoir un corps expérientiel sa planète, tandis que présentement, l'esprit a plusieurs corps expérientiels sa planète. Bon, première chose. Deuxièmement, justement, parce que la formulation biologique vitale et astrale de l'être humain, donc émotive et égoïque, étant différente parce que la génétique, l'alimentation, la tellurie des nations, des continents est différente, cela va créer qu'une parcelle différente de l'intelligence va être absorbée. Le reste va être éjecté. Si l'homme s'unit, ce qui est éjecté recrée, non pas chez l'homme, parce que l'homme n'a pas la puissance pour absorber cette création intelligente, mais recréer dans le contexte de la société humaine cette énergie intelligente. Tant que l'homme reste égoïque, il n'a pas le privilège de se servir de cette intelligence. Un savant s'en sert. Un homme d'affaires s'en sert. Il devient millionnaire. Un coordonnateur public s'en sert. Il devient premier ministre. Mais l'être humain qui énergise ce cadre dans lequel vont puiser les grandes puissances, n'a pas la faculté de s'en servir, mais il a la faculté de le créer. Lorsqu'il travaille pour l'intelligence, lorsqu'il appuie tout ce qui est intelligent, conséquentiel et écologique, automatiquement, il grimpe lentement vers le privilège de s'en servir. Il est pauvre, il travaille pour l'intelligence, pas pour être riche. Pour ce qui est intelligent, ça a de l'allure en mon sens. Je veux qu'on mette mon nom en dessous. J'appuie. Qui es-tu pour appuyer? J'appuie. Je me fous de savoir qui je suis. Puis à un moment donné, il finit par avoir le privilège, lui aussi, de se servir de cette puissance mentale qui est dans l'égrégore de la société. Et tout d'un coup, ben, il finit par comprendre les mécanismes de gestion, comment fonctionne la société. Il a soudain l'idée qui manque et il devient millionnaire lui avec. Mais pas parce qu'il a voulu l'être, parce que s'il veut être millionnaire de prime abord, il va avoir un désir égoïque, donc il ne fonctionnera pas pour l'intelligence, il va fonctionner pour l'argent. S'il veut de l'argent pour des projets, ça frôle le mécanisme de l'intelligence. Il a la possibilité d'avoir de l'argent. Mais lorsque l'homme veut travailler pour l'intelligence, lorsque la femme s'enligne pour l'intelligence dans une société, parce que tout seul dans le bois, tu ne seras pas millionnaire, tu vas te dire que tu n'as pas de besoin, je suis bien d'accord, mais il faudra t'aller à la chasse régulièrement puis que tu te protèges du froid régulièrement. Bon. Si tu vis en groupement, en regroupement, et que tu as la faculté de travailler pour ce qui est intelligent, comprends-tu l'utilité de telle chose? Oui, appose ton nom. Ton nom, c'est la clé qui un jour va faire en sorte que l'énergie va pouvoir venir chez toi. Reste incognito, tu seras un millionnaire incognito. Et millionnaire incognito, c'est millionnaire qui n'a pas d'argent. Parce que quand il est millionnaire, l'argent, il n'est pas incognito. Bon. Alors, si tu veux apposer ton nom pour que tu te prennes en main, oui, mais le gars, il a telle idée, je trouve ça génial, tu sais, mais il n'y a personne qui m'entend que. Attends pas! Parce que tout le monde attend tout le temps. On parle de n'importe quel mécanisme d'intelligence, on attend tout le temps. On attend que qui? On attend qu'un millionnaire, un directeur d'une multinationale, vienne dire « ça, ça a de l'allure, je la pousse ». Alors là, on décide qu'on embarque avec. Mais sans ça, on n'embarque pas avec. Mais c'est parce qu'il y a une énergie au niveau du plan social que le peuple ignore, que le gouvernement ignore, même s'il s'en sert, que le millionnaire ignore, même s'il s'en sert, que tous ceux qui ont de la puissance dans la société ignorent. Presque tous ceux qui ont la puissance dans la société ignorent, même s'ils s'en servent. Et ça, c'est toute l'intelligence qui n'est pas intégrée par l'homme qui reste là en mémoire flottante. Et lorsqu'un individu arrive à s'en servir, il devient celui qui passe. Parce que lui, il n'a pas d'idée. Il n'est pas plus brillant qu'un autre. Lui décide un jour d'inventer une bébelle. Il met la bébelle sur le marché, elle fait fureur. Pourquoi? L'autre, il invente une autre bébelle. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui invente une bébelle que l'énergie sociétaire mentale, l'intelligence là-dedans, sait que ça va pas nier. Lui n'a pas conscience de l'état actuel de la société, mais ça, en haut, cette énergie-là, elle le sait. C'est elle qui l'a créé, qui crée le cadre de la réflexion sociétaire. Alors, lorsque l'homme arrive à s'abreuver cette énergie, il invente comme n'importe quel inventeur, sauf que lui, son gadget, il pogne. Ça marche. Alors, c'est la différence. Il y a des personnes qui vivent à Las Vegas, comment? Ils sont millionnaires. Comment ils vivent? Ils rentrent, ils jouent. Et lorsque c'est le temps de jouer, ils jouent. Lorsque c'est le temps d'arrêter, ils arrêtent. À un moment donné, ils recommencent à jouer, puis ils gagnent un petit peu. Puis ils perdent un petit peu, puis ils regagnent. Ils perdent un petit peu, puis ils arrêtent. Ils savent. Ils sont millionnaires. Ils ont fait leur argent juste avec ça. Et il y en a combien qui les voient faire? Alors, ils s'en vont. Ils jouent, ils gagnent, les millionnaires, ils gagnent, les autres, ils gagnent, les millionnaires, ils arrêtent. Ils sont millionnaires, ils décident qu'il est assez. Il a fait 100 000, c'est assez, il s'en va. L'autre, 100 000, 150 000. Pourquoi qu'il arrête? 200 000, 150 000, 100 000, 50 000, 20 000. Là, il est rendu dans le rouge. C'est pour ça qu'il a arrêté l'autre. Il est rendu où l'autre? Il est rendu à l'autre table là-bas. Puis il joue à une autre table. Puis il commence à gagner. À un moment donné, il change de casino. C'est plus bon pour lui, là. C'est traumatisant. Parce que tout l'homme conventionnel qui va jouer là, il les voit faire. Il y a des casinos qui sont barrés. Le gars ne peut plus rentrer parce que le gars a déjà trop ramassé. On ne veut plus. On ferme les tables. C'est sérieux. Le gars, il est bien. Le gars, il continue. Pas pour avoir de l'argent, il joue avec l'énergie. Le gars, il aime ça. Il sent. Un autre, il va, il comprend pas. Il joue, il essaye avec ses feelings, il se fait fourrir royalement, il se fait manipuler, il se fait charrier, il perd tout. C'est quelque chose qui existe. Branche-toi sur l'intelligence chaque fois qu'il y a une affaire intelligente qui passe. Essaie de voir si tu peux pas mettre ton nom là. Si tu mets ton nom, ça veut dire que tu l'accrédites. Si tu l'accrédites, ça veut dire que tu mets de ton énergie pour que ça marche. Et quand ça, ça va marcher, tu vas avoir un retour karmique qui va être de l'énergie. Oh, moi, j'ai toujours été pour. J'ai toujours dit que c'était bon, ça. Mais maintenant, ils le font, tu sais. Moi, je suis toujours pour. Oh ouais. Mais c'est la première fois que tu me dis que tu étais pour, maintenant qu'ils le font. Combien il y en a qui deviennent libérales quand les libéraux gagnent? Qui deviennent péquistes quand les péquistes gagnent? Il y en a un crime de paquet avec son compte tel genre de taux. Puis quand l'APA la place en premier, oh, ils ont toujours dit que c'était bon. Ben oui. Il y en a plein. Quelle que soit l'invention, quel que soit ce que l'homme sort, alors, il récolte rien non plus. Le gars, il est tout petit, il dit génial, donne-lui ton appui, donne-lui 5 piastres. Parce que tu sais, félicitations, c'est une bonne chose, ça. Mais 5 piastres, c'est mieux que félicitations, c'est de l'énergie. Puis un jour, le gars devient millionnaire. Il va peut-être penser à toi. Peut-être que non. Puis après. Son idée est intelligente. Dans la société, elle fonctionne, ce qui fait que veux, veux pas t'en bénéficier. Pour 5 piastres, pour 10 piastres. Veux, veux pas t'en bénéficier. Peut-être en termes d'argent. Ça dépend de l'énergie que tu auras mis pour le faire à faire. Mais quand ça commence à marcher, là, le monde y vient. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Mais quand ça marche pas puis c'est intelligent, là, c'est le temps d'en mettre de l'énergie. Puis il y en a des choses. La famille, c'est intelligent. Tout dans le cadre où ce qu'elle est orchestrée. Il y a tellement de choses sociales que c'est intelligent. Si l'homme décide de se brancher là, un autre se branche, un autre se branche, un autre se branche. Non seulement on énergise de l'intelligence, mais à un moment donné, on va aussi être connecté à l'intelligence, ça fait qu'on va être capable d'en bénéficier. Tant qu'on est égoïque, on énergise le même égrégore, le même plan d'intelligence, mais c'est l'homme d'affaires qui en bénéficie, même s'il ne sait pas. C'est un gars de l'intelligence service, un gars d'un service secret particulier qui en bénéficie, même s'il ne sait pas. Lui, il est toujours là quand il faut, jamais là quand il ne faut pas, il ne sait pas pourquoi, il est branché là-dedans. C'est un gars mental qui fonctionne pour la société. Il y en a un autre qui fonctionne pour l'argent, pour le trip, il peut se faire descendre. Il y a tellement de choses qui se font bien lorsque l'homme se branche là. Pour ça, c'est la société nouvelle, de toute façon, qui va fonctionner juste au niveau d'intelligence. Pas une intelligence service, mais du service intelligent. Et lorsque l'homme décide d'accréditer une chose intelligente, ça a de l'allure, je le dis. Je l'écris. Je le répète. Je vais voir. J'amène du monde. Je donne de l'argent. Je fais donner de l'argent. Je fais quelque chose. Le gars invente quelque chose. J'écris dans un journal telle affaire. Je trouve ça génial. On devrait en parler. Toi, tu lis ça. Tu trouves ça génial, toi, avec. Écris. Ils ne passeront pas tout. Ça n'a aucune importance. C'est de l'énergie. Elle circule. Puis tu ne sais pas si ça va passer ou non. Et au nom du fait que ça ne passera pas, fais-le don au nom du fait que ça va passer. Fais-le don au nom du fait que c'est de l'énergie. Pour être ni positif ni négatif, fais-le parce que c'est intelligent. Fais-le. J'avais de la difficulté à vous comprendre au début et j'avoue que je vous pensais un peu fou. Maintenant, je... Moi avec, d'ailleurs, au début, je me connais. Tu vas avoir l'autre polarité, là. Maintenant, je vous comprends clairement et je me demande si vous ne seriez pas un génie. Enfin, bref, je vous apprécie de plus en plus. Très bien, la conférence. Le génie suit le fou. En 2 heures, c'est pas pire, faire les deux. En fait, tu commentes-tu? Non. Non. Elle est déjà commenté. Fait commenter. Ouais, OK. Quand tu dis que... Je vais prendre celle-là parce que c'est similaire, mais plus clair ici. Pourquoi, quand tout va bien, faut-il se surveiller plus? Pourquoi est-on plus manipulé par l'astral? Est-ce parce qu'on est moins aux aguets? Ben oui. Pourquoi, quand tout va bien, tout va mal? C'est la question. Pourquoi, quand tout marche, pouf, tout va mal? On l'a assez expérimenté que quand tout marche, on commence déjà à aller mal, on a peur que ça n'aille plus. Ça va bien, t'as peur. Parce que tu sais qu'à un moment donné, ça peut aller mal. Si l'homme fonctionne intelligemment, il y a des mécanismes, vous savez, qui empêchent l'homme d'évoluer. Qui instruisent l'homme que l'homme est médiocre. Et c'est contre ces mécanismes que l'homme essaie de se détacher. L'émotion, c'est un moyen que se servent les énergies évolutrices pour empêcher l'homme d'évoluer. La mémoire est la plus grande force exprimée de l'énergie d'évolution. L'homme se rappelle, l'homme se souvient. Se souvenant, l'homme met des énergies dans le passé. Et plus il acquise, plus il accumule de la mémoire, plus il met d'énergie dans ce passé, et moins il en a pour l'avenir. À 18 ans, déménager, ça ne vous dérange pas. À 24 ans, pas trop. À 32 ans, un peu. À 40 ans, un peu plus. À 65 ans, au bout, ça ne vous fait plus. Recommencer votre vie à 18 ans, c'est pas pire. Perdre sa job à 20 ans, on en trouve un autre. À 30 ans, on a peur. À 40 ans, c'est plus pensable. Moins on a de place dans notre mémoire pour mettre de l'énergie, plus on en a en avant pour construire. Et l'homme rétrécit sa vie par la faculté qu'il a de vivre dans le passé. Ce qui fait que son corps ne peut plus s'énergiser comme le corps d'un enfant, parce que la psychologie l'empêche. Et à un moment donné, l'homme meurt pour rejoindre le monde des morts, c'est-à-dire là où les mémoires sont conservées. Construire, créer, vivre, faire en sorte que tout aille toujours bien, cela veut dire vivre l'instant présent sans vouloir revenir dans le monde du passé. Plus on a du temps en arrière, plus le bon vieux temps est dans le passé. Lorsque vous vivez, vivez. Et la vie amène des choses pour instruire l'homme. L'homme doit changer des choses parce que l'homme vit. Lorsque l'homme se cristallise dans l'inchangeable, dans l'inchangement, l'homme commence à mourir. Et il vit dans son passé. Tout va bien parce que ça plaît au concept que vous avez de ce que vous méritez, phénomène de l'orgueil. Tout va mal parce que ça ne plaît plus au concept que vous avez de ce que vous méritez. Si on oublie et si on vit l'instant présent, tout ne va ni bien ni mal, tout va comme ça doit aller. Lorsque l'ego expérimente les mécanismes de la conscientisation, il découvre des phénomènes qui l'apesaient, qui l'assujettissaient, qui l'écrasaient, qui le rendaient nostalgique, qui le faisaient vivre dans le passé. Il découvre la manipulation, entre autres. Il découvre des contacts avec l'intelligence. Et lorsque l'ego expérimente ces mécanismes, il sent de la puissance. Et lorsqu'il sent de la puissance, il oublie l'écologie. Il oublie de faire attention. Lorsque vous avez quelque chose, vous êtes aux aguets pour ne pas le perdre. Lorsque vous sentez la puissance que vous ne le perdrez plus, vous n'êtes plus aux aguets. Est-ce que c'est de l'intelligence ou de l'expérimentation de l'ego de l'intelligence? Ce qui est similaire dans le goût, mais totalement différent dans, dans l'efficacité d'expression. Êtes-vous puissant ou avez-vous l'impression que vous êtes puissant? C'est très différent. Le gars qui rentre dans une école d'art martial, qui suit un cours, qui sort dehors, convaincu qu'il peut battre n'importe qui, c'est un imbécile. C'est pas un être puissant, il a l'impression. Le premier qu'il rencontre, son impression peut être suffisamment dynamique pour faire peur au gars. À un moment donné, il en rencontre un qui n'est pas touchable par son impression. Ses points ne l'impressionneront pas non plus assez. Il va manger une volée. Lorsque vous sentez que tout va bien, vous êtes convaincu que tout marche, c'est là qu'il faut surveiller. Parce qu'à un moment donné, vous allez être tellement certain que vous allez embarquer dans des endroits qui ne sont pas conséquentiels, vous allez perdre. Tout va bien, je me sens prêt à inventer le monde. Fait que je lâche ma job, mon patron, c'est un écœurant, je ne peux rien savoir. Je m'en vais me promener dehors, je sais que ça a bien marché. Je m'en vais trouver un emploi ailleurs où j'aimerais, il n'a pas. Ailleurs où j'aimerais, il n'a pas. Je me mets sur le chômage en attendant, c'est intelligent. Puis là, je me sens bien. Puis là, je me sens tellement puissant que je vais attendre que la job que je cherche me tombe d'en face. Bon. Là, le chômage passe, plus de chômage. Le travail vient toujours pas. L'assistance sociale, le travail vient toujours pas non plus. La puissance s'en va yarbre. Puis là, on s'est dit qu'on s'est fait fourrer parce que le gars qui nous a dit qu'il fallait qu'on se prenne en main, c'était un maudit menteur. Mais non, il fallait que tu te prennes en main. Et là, tu t'es laissé prendre en main par l'illusion de la puissance. Tu n'as rien compris. Fait que là, on remet ça sur le dos de l'autre. Sur le dos d'un autre, d'un motivologue, d'un conférencier, d'un livre qu'on a lu, d'une émission de télévision, de n'importe quoi. On se fait ramasser, récupérer par les plans d'involution. Là, on ne croit plus de l'évolution. Fait que là, on est prêt à retourner faire un petit travail bien banal, où ce qu'on pousse le balai ou quelque chose de même. Il y en a qui sont heureux là-dedans. Ça, c'est leur travail. Il y en a qui ne le sont pas. On reprend un travail qu'on n'est pas heureux, puis on se dit, ben, je t'en ai pour un petit peu. Quand tout marche, l'homme a le droit que tout marche. Mais là, il faut qu'il devienne un gestionnaire de sa puissance. Il faut qu'il apprenne à se gérer. Ça marche. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas pourquoi ça marchera pas longtemps. Et l'homme, lorsque ça fonctionne, il ne veut pas savoir pourquoi. L'homme, il veut savoir quels sont les mécanismes de l'évolution quand il souffre. Et pas quand il va bien. Quelqu'un qui est heureux ne va pas lui parler d'évolution. Il ne va pas lui parler des mécanismes de souffrance. Il ne va pas lui parler de rien de ça. Ça marche, il ne veut rien savoir. C'est celui qui souffre, celui qui est dans la merde, celui qui est enterré qui veut savoir. Celui qui se sent mal, celui qui va bien, c'est lui qui veut évoluer. Pas celui qui va bien. Mais celui qui va bien a toute l'énergie nécessaire pour comprendre pourquoi il va bien. Pour comprendre pourquoi il peut aller mal. Mais ça ne l'intéresse pas, parce que l'ego sent la puissance. L'ego veut rien savoir. Comment faire pour ne pas être malheureux? Oui, non, quand tu es heureux, tout va bien. Tu veux ça? T'es bien parlé d'une conférence. Comment faire pour ne pas être malheureux? Pouf, tu gagnes un million de dollars. Première chose à faire, le billet. Je suis heureux, je sais comment, moi j'ai gagné la truc. Mais dans 10 ans de là, lorsque tu t'es marié 3 fois, puis que tes femmes, ils sont séparés, puis qu'ils te demandent une pension énorme, puis que tu brûles tout ton million là-dedans, puis que tu n'avais jamais pensé ça. Mais là, ton billet, tu cherches les morceaux, hein? Tu l'es. Quand Adolf Hitler a commencé à gagner la guerre, il ne voulait pas savoir pourquoi qu'il venait le monde. Il voulait savoir comment le mener plus. Il est perdu. Et c'est continuellement comme ça. Quand tout va bien, tu te fous de savoir pourquoi ça va bien. Tu es sûr que tu es capable. Tu te fais avoir, c'est pas long, puis tout va mal. Quand tout va bien, surveille-toi. Parce que c'est le premier. Et il y a autre chose. C'est que quand tout va bien, vous êtes dans une sphère énergétique. Quand ça descend un peu, la différence de potentiel fait que vous avez l'impression d'être carrément en bas. Le gars qui a 50 piastres par mois pour arriver à s'amuser, parce que le reste, c'est pour le loyer et pour la nourriture, il est bien. On peut s'amuser. On va voir un film de temps en temps, se payer un petit luxe, il accumule un peu, il s'achète un Walkman, il frappe un poteau quand il marche. C'est pas pire de sa carte pour préparer le nez. Ça va. Gagner 1 million de dollars. Le gars, là, il crie plus capable. Son char pompe. Tout va bien. Puis son million, il investit quelque part, le gars, il connaît rien. Il perd 75 000 $. Il lui en reste 25 000. Catastrophe. Il ne peut plus vivre. Le cœur tremble, j'ai perdu 75 000 $. Il y a encore 25 000. Puis avant, il y avait 50 $ par mois. J'ai perdu 75 000 $. Et le gars a tout perdu complet. Il n'aurait été mieux de jamais gagner. C'est ce qui arrive d'ailleurs à la majorité de ceux qui gagnent. La différence de potentiel. Le gars est mieux qu'avant, mais il est moins bien que ce qu'il a vécu. Il a l'impression d'être carrément bon. Le gars va se suicider. Il était bien que 50 $ quand même. Quand tout va bien, il faut s'équilibrer. Parce que l'ego ne peut pas absorber le tout va bien. C'est très dangereux. Comment faire pour contrôler une identité forte afin de ne pas l'éclabousser sur les autres trop souvent? Suite à cela, ayant un meilleur contrôle sur elle, le pouvoir sur les autres devenant plus conscient, comment se protéger de l'utiliser à des fins égoïques? L'identité forte, c'est la faculté qu'a l'ego de s'exprimer par des mécanismes incontrôlés par le mental. On a des identités fortes qui sont calmes, mais vitalement ont l'air snob pour tous ceux avec qui ils vont vivre. La personne, elle parle, elle ouvre la bouche pour dire « Oui, c'est une bonne idée. » On dirait encore qu'un snob. Parce que dans sa voix, elle transporte une énergie vitale qui pousse, qui est puissante. Et elle doit apprendre à la contrôler. Elle peut guérir du monde. Ce serait déjà une canalisation, mais encore là, ce serait un peu niaiseux. La personne peut aussi avoir, de toute façon, si la personne pose une question comme ça, c'est qu'elle est déjà consciente qu'elle a une identité, justement, qui s'exprime d'une façon trop violente. Comment l'adoucir? Alors, il y a plusieurs mécanismes qui seraient celui d'apprendre à contrôler cette énergie. La majorité des personnes qui ont une identité forte et qui le savent ont une expression vitale puissante. Un snobisme vital et non pas un snobisme psychologique. Évidemment, l'ego peut découvrir cette puissance vitale et de temps en temps s'en nourrir psychologiquement, mais c'est souvent un snobisme vital. Elle doit apprendre à parler, à ajuster sa voix, à la contrôler. Elle doit apprendre à voir de quelle façon elle exprime par sa voix cette énergie imposante d'identité. Pour arriver à ajuster le ton, la voix, à une énergie qui ne transmet plus cette identité puissante. Elle doit aussi apprendre à voir de quelle façon elle exprime par la gestuelle ou par l'habillement. Parce qu'elle peut se sentir aussi à l'aise, mais en ajustant de façon à contrôler sa puissance. Qui, pour son égo, paraît un snobisme ou pour les autres carrément, ce qui peut nuire. La personne marche vous la tête haute. Ça exprime chez l'égo conventionnel une personne au-dessus des problèmes. Puis ça fait, ça rend mal les autres. Ça les rend malades de voir quelqu'un qui se prend pour un autre. Elle devra donc adapter, si elle veut socialement contrôler son débordement d'énergie vitale, il y a une forme ici, un onde de forme qui est émise par lequel sa psychologie peut servir pour émettre, elle doit l'adapter. Non pas regarder en bas, regarder droit. Il y a plusieurs choses qu'elle devra faire. Maintenant, je donne des exemples. Si cela est nécessaire pour elle, pour lui donner peut-être une idée du chemin qu'elle peut faire. Maintenant, si elle marche comme ça et qu'elle n'a pas le choix, bien qu'elle marche de même. Elle n'ira pas se faire une chirurgie musculaire pour ne pas baisser la tête, ça va de soi. Hein? Lorsque celle-ci découvre qu'elle a la faculté de manipuler les autres et que c'est intelligent de manipuler les autres, parce qu'il y a de l'intelligence dans la manipulation, ça va de soi. Le soldat qui va sur le champ de bataille, qui se ferait tuer de suite, si on le manipule, on en crée une force avec les autres d'une puissance implacable et on arrive à en sauver un peu plus. C'est la même chose pour la société, pour une industrie, pour un système d'urgence, pour n'importe quoi. Mais lorsque tu manipules de façon égoïque, c'est dangereux. Karmiquement, ça te revient sur le dos de différentes façons. Parce qu'éduquer un enfant, c'est quoi? C'est le manipuler. Et il y a de l'intelligence à manipuler. Par contre, si tu manipules d'une façon intelligente, c'est écologique, ta manipulation. Et tu dois toujours manipuler de façon à amener celui que tu manipules à ne plus avoir besoin d'être manipulé. Et là, l'homme nouveau manipule. De façon à amener l'autre à se libérer. Mais si tu manipules de façon à la sujettir, lorsqu'on te pose une question, tu réponds. Mais à un moment donné, lui, il ne se répondra jamais. Tu deviens un maître, tu deviens l'élite suprême, et là, il a besoin de toi. Ça, c'est de la stupidité. Ça n'a pas rapport à l'homme nouveau. Le fait de découvrir qu'on peut manipuler, qu'on a l'intelligence de manipuler, que ça fonctionne et que c'est intelligent, que le monde sont mieux, que le monde arrive à se libérer, comment faire en sorte que l'ego n'expérimente pas ce pouvoir pour se sentir puissant? Encore une fois. Comment faire en sorte que celui qui a l'altruisme d'aider quelqu'un ne devienne pas le maître? La majorité des plugués, des contactés, de ceux qui ont de l'intelligence ou de ceux qui ont des illuminations, deviennent toujours gourous, maîtres, prêtres, ce que vous voudrez. Parce qu'ils n'arrivent pas égoïquement à assumer le fait qu'ils sont capables de transmettre quelque chose qui n'est pas perceptible par les autres, par le voie de la vibration, de l'intelligence supramentale, mais qui va être perceptible par le voie de la vibration orale, l'explication. Comment faire pour ne pas te prendre au sérieux? C'est de décider de toi aussi poursuivre ton évolution en même temps que tu apparemment aides les autres à évoluer. La majorité des personnes qui se prennent au sérieux cessent d'évoluer, se complaisent, puis là, donnent, déversent. Mais à un moment donné, le disciple est plus fort que toi. Puis toi, tu fais quoi pour empêcher ça? Tu l'assujettis ce qui a besoin de toi. C'est un mécanisme dangereux. La personne, si elle n'arrive pas à par son énergie mentale, à ajuster sa possibilité de manipuler lorsque cela est nécessaire, avec la complaisance que son ego pourrait en ressentir, va, par l'initiation, donc par la vie, apprendre à ses dépens à s'ajuster. En attendant, si elle a l'intelligence de comprendre ce que je lui dis, elle pourra apprendre à communiquer moins d'énergie. Elle devra apprendre à s'ajuster. Elle va dire « Oui, mais les autres, je m'en fous. » Oui, fous-toi-en. Mais il y a un cadre écologique. Fous-toi du lion, sauf quand il saute dessus. Alors, la société dans laquelle la personne elle est placée, que ce soit son contexte professionnel, son contexte familial, son contexte social, je veux bien croire que l'autre ne doit pas venir influencer ton cadre de vie tant que l'autre ne devient pas agressif par rapport à ton cadre de vie. Je veux communiquer l'essence même de l'homme nouveau. Je le fais d'une façon écologique. Parce que autant que je heurte, on me heurte. Mais si je heurte trop fort, on va me heurter plus fort. Si toi, tu veux aller travailler dans une clinique médicale avec un habillement particulier puis un visage mauve et vert, on risque de te mettre dehors. Ça va te heurter autant que tu heurtes les autres. Oui, mais les autres, ils n'ont pas. Non, non. Et toi, tu n'as pas non plus, alors ils te mettent dehors. Ça, c'est l'écologie. Et dans une société nouvelle, c'est une chose qui va être extrêmement privilégiée. C'est là, d'ailleurs, que le devoir et les droits rentrent en fonction. Tu as le droit de respirer de l'air pur et tu as le devoir de l'entretenir, l'air pur. Tu n'as pas le choix. Pollue-la, tu n'as plus le droit de la respirer, elle n'est plus là. Braille ton droit d'en respirer, tu n'en respireras pas. Continue à consommer ce qui pollue, tu énergises la fabrication. Donc, tu énergises la pollution. Tu as le droit, cesse de consommer, c'est ton devoir. Tu devras payer le prix de ton droit. Alors, la personne, c'est la même chose. Elle devra donc s'adapter à ce que la répulsion égoïque qu'elle crée soit diminuée. Elle devra s'ajuster. Quelqu'un d'extraterrestre a-t-il une intelligence vraiment supérieure à un homme nouveau? Si un jour un appareil extraterrestre arrive et atterrit dans votre cour, et qu'un être extraterrestre sort, sortez de votre maison. Par la porte, non pas dans l'arrière ou dans l'avant, opposé à où il est, mais allez le rencontrer. Touchez-lui pas, il ne vous touchera pas. Mais vous devez lui parler comme lorsque vous parlez à votre voisin. Encore, ça dépend du voisin. Il y en a qui ne parlent pas et qui n'ont pas. Vous devez vous approcher de cet extraterrestre comme un terrestre extra. Et c'est sérieux. Vous ne vous mettez pas à genoux devant si ça lui plaît qu'il le fasse. Vous devez communiquer comme un homme, comme une femme, le ferait à quelque chose. Est-ce que l'intelligence extraterrestre ou l'intelligence d'un extraterrestre telle qu'on les conçoit dans les rencontres du 2, 3 et 4e type est supérieure à l'intelligence de l'homme nouveau? Non. Est-ce que l'intelligence de l'homme nouveau, non pas de l'homme transitif, est-ce que l'intelligence de l'homme nouveau est supérieure à l'intelligence extraterrestre? Oui. Pour plusieurs raisons, les êtres extraterrestres, qui sont des expressions dans le plan planétaire de l'énergie particulière, n'ont pas su matérialiser leurs énergies de façon à expérimenter la matière, ce que l'homme a fait. De ce fait, l'homme est limité par l'expérience matérielle et l'extraterrestre ne l'est pas. Donc, l'extraterrestre a des facultés que l'homme planétaire n'a pas. Il a la faculté de voyager à une vitesse que l'homme n'a pas, de traverser la matière, ce que l'homme n'a pas. Mais l'homme connaît la matière, ce que l'extraterrestre ignore. L'homme connaît différents mécanismes reliés aux expressions matérielles de l'évolution, que ce soit la transmission de la vie, l'accouplement, que ce soit l'amour, même psychologique, qui n'est pas nécessairement évolutif, mais qui fait partie des mécanismes qui vont bloquer l'évolution de tout l'univers. Et tous ceux qui ont tenté l'expérience ont échoué, sauf l'homme qui a réussi à devenir matière, sauf l'énergie espritique de l'homme qui a réussi à se faire matière. Et se faisant matière, il s'est déconnecté des intelligences extérieures. Et cela se devait. L'extraterrestre n'est pas totalement déconnecté. Il vient vérifier le plan planétaire de l'homme. Certains essaient de manipuler l'homme. Certains essaient d'aider l'homme. Ceux qui essaient d'aider l'homme, c'est pour faire en sorte que l'expression intelligente la plus merveilleuse de l'univers a présentement besoin d'aide pour pouvoir instruire le reste de l'univers de l'expérience matérielle qui a été vécue sur la planète Terre. Lorsque la servante éduque ou change la couche de l'enfant, le fils du roi, elle a un pouvoir supérieur au fils du roi. Elle peut le tuer, elle peut le laisser sale, elle peut l'éduquer, puis elle peut le manipuler. Mais ce fils de roi va devenir roi un jour. Et la servante qui a été la maîtresse du fils sera la servante du roi. Et selon ce qu'elle aura donné au fils, elle recevra du roi. Certaines servantes vont manipuler de façon à ce que le roi les aime bien. D'autres vont les instruire parce que la société est importante, parce que si le roi les aime bien qu'une guerre civile, ça n'ira pas dans le royaume et elle va en souffrir. Certains êtres extraterrestres qui ont des intelligences et des connaissances différentes de celles de l'homme et apparemment pour l'homme ancien supérieures à celles de l'homme, attendent après l'homme. Certains viennent vérifier si enfin l'homme s'en sort. D'autres viennent essayer d'instruire l'homme pour que l'homme les aide après. Et d'autres viennent essayer d'instruire l'homme de façon à ce que l'homme aille plus vite dans sa sortie. Lorsqu'un extraterrestre entre en contact avec un homme ancien, ce qui a toujours été le cas, ce n'est pas ce que je pourrais appeler un bon extraterrestre. Il va toujours missionner le contacter. Et un être intelligent ne donne jamais de mission à un être en particulier. Il s'adresse à la collectivité. Il crée des mécanismes dans la collectivité, des remous. Il ne va pas avoir un homme particulier, tout à fait banal et neutre, pour lui donner quelque chose à faire et une mission. Jamais. Les extraterrestres qui font cela sont des êtres qui devront se mettre à genoux devant l'homme. Alors, je crois que ça répond à la question. Et quel que soit l'extraterrestre qui vienne apparaître dans quelque genre d'expression de vaisseau spatial ou de manipulation de la matière, il ne connaît rien de l'expérience de l'homme. Si vous rencontrez un extraterrestre dans votre cours, demandez-lui de venir avec vous dans une taverne. Demandez-lui de venir avec vous voir des personnes qui sont débiles mentales. Demandez-lui de venir avec vous dans les plans les plus bas de l'expression psychologique matérielle de l'homme. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas et il ne voudra pas. Et si on se réfère à une intelligence extraterrestre, parce qu'elle n'est pas générée du plan planétaire, l'intelligence supramentale, qui, lorsqu'elle s'est matérialisée dans le corps d'un enfant, d'un adolescent, et cela a donné historiquement Jésus, le Nazaréen, si on lui demandait d'aller dans les bordels, il y allait. Parce que l'homme, même s'il avait le contact christique, qu'avait la connaissance de la matière et de l'homme. Si vous rencontrez un extraterrestre qui est prêt à vous suivre, mais vous n'en rencontrez pas de toute façon. Alors, avant de se mettre à genoux, celui qui est plus puissant peut faire toutes les choses faibles. Celui qui est puissant et qui ne peut pas faire ce qui est facile n'est pas puissant. Celui qui fait les choses faciles, interdites ou puissants, est plus puissant que ceux qui se disent puissants. Parce qu'un jour, l'homme a appris à voler dans les airs avec des machines. Mais l'homme est de la matière, la machine est de la matière, donc l'homme a volé. L'extraterrestre qui venait avec ses machines volantes de l'époque n'a pas su aller dans une taverne. mais l'homme qui volait allait dans la taverne. L'homme a su conquérir l'espace, et malgré des bévues qui arrivent aussi fréquemment aux extraterrestres, mais qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a une propagande aussi, c'est pas ici ce qui va bien. Malgré les bévues humaines, l'homme grimpe, mais il connaît le bas. C'est un être puissant. Celui qui vient d'en haut, l'homme s'en va vers en haut, mais lui ne peut pas aller vers en bas. Et il n'aura pas besoin d'y aller parce que l'énergie de l'homme, lorsqu'elle sera en haut, va éduquer ceux qui sont restés en haut qui n'ont pas pu aller en bas. Rencontrer un extraterrestre, invitez-le à venir voir un film, allez voir un film pornographique, sortez dans des endroits originaux et demandez-lui de vivre la vie d'un être humain. Il n'y a pas un fichu extraterrestre sur la planète qui voit un terrestre extra. J'ai un jour composé une chanson pour un chanteur et les mécanismes ont fait que ce n'était pas le temps que ça sorte. Il rencontrait justement un extraterrestre et dans sa chanson, il chantait que ça faisait longtemps, mais longtemps qu'il les attendait et qu'il voulait leur parler. Et enfin, aujourd'hui, il les rencontrait et il leur parlait. Et l'extraterrestre partait à chanter lui aussi. Ça fait longtemps qu'on veut vous rencontrer et enfin, aujourd'hui, on peut vous rencontrer puis vous parler. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que dans l'univers, tout est pareil. L'homme regarde vers le soleil. Depuis longtemps, les extraterrestres, c'est-à-dire nous, donc les extraterrestres, on vit en espion. Parce que chez nous, on a les mêmes problèmes que chez vous. Et on essaie de voir si un jour, vous n'aurez pas la solution. Alors l'homme est ici, il s'imagine que les extraterrestres vont lui amener la solution. Et dans la chanson, ben, les extraterrestres cherchent la solution chez nous. Et à la fin, on finit encore où tout est pareil dans l'univers. Nous regardons ensemble vers le soleil. Et notre bonhomme finit avec, ben c'est ça, c'est à nous d'en sortir. Mais c'est ce qui arrive en réalité. Une question aussi subtile qui a déjà été posée, je pense, qui n'avait pas eu le temps de y répondre. Je la repose. Expliquer l'accélération du temps dans le temps par le temps. Ah, je ne sais pas si on va avoir le temps encore. La prochaine fois, faut savoir au début. C'est parce que la pile est épaisse. Oui, la pile est épaisse. Sois moins épaisse. On s'habitue. Non, je dis ceci à Guy, sois moins épais. Parce que tous ceux qui ont été frustrés que je lui ai dit, ceux qui se sont sentis tellement importants, qu'ils se sont mis à la place de Guy. Et ça, c'est un des mécanismes de l'homme, souvent. Au lieu de vivre sa vie, il vit celle de l'autre. Guy, ça ne le frustre pas du tout, et c'est pourquoi je lui dis, parce que de toute façon, il n'est pas épais. Il n'a pas suffisamment d'ego pour être épais. Parce que c'est l'ego qui tient épais. Même si on ne le dit pas à l'ego, il est épais. Parce que si on dit qu'il est épais, il sait épais. Il veut s'en sortir. Il veut prouver qu'il peut épais. Bon. Donc, Guy s'en fout. Alors, je peux lui permettre, ça permet justement d'aller incruster chez certains égaux épais différentes choses. Alors, encore une fois, cette question, on va y revenir. On n'aura pas le temps parce que si j'embarque dessus, il faudra qu'on en fasse une conférence, simplement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des questions intelligentes et lorsque je n'ai pas le temps parce que c'est trop long, pour que ça devienne clair, d'en parler, parce que c'est une question qui m'intéresse au plus haut point, alors je risquerais de monter à des places assez intéressantes. Mais monter là dans 10 minutes, 15 minutes pour sortir après, ça serait carrément stupide. Et lorsqu'on fait la conférence sur une question intelligente, plus souvent qu'autrement, les personnes intéressées n'y sont pas. Alors, à un moment donné, on refera surveiller les titres, et lorsqu'on aura un titre tout à fait stupide et banal, c'est ça qui est le problème. L'accélération du temps dans le temps par le temps. Qui c'est qui va venir à une conférence comme ça? Alors, ce que je peux faire, c'est, comme la semaine dernière, on a expliqué la création de l'univers sous un titre extrêmement banal, je ne me rappelle plus du titre, ou les mécanismes de réflexion. Alors, cette personne, qu'elle surveille les titres de conférences, si elle veut venir seulement à cette conférence, lorsqu'une conférence aura un titre où le mot « le temps », le mot « temps » sera dedans, c'est qu'on va parler de ceci. Alors, je te la confisse parce que ne te fais un peu confiance, étant donné que tu les poses en dernier. Alors, là, pour ton compte. Non, non, fais-moi confiance que je vais m'arranger pour ne pas oublier la question. Et on va faire une conférence sur le temps. Dans une personne, le sang circule de la tête aux pieds. Pourquoi dans la société, les idées qui viennent du simple individu ne se rendent pas à la tête? Où est le blocage? Bon, le sang circule de la tête aux pieds. Le sang circule, pour être plus précis, du cœur vers la tête et du cœur vers les pieds. Et évidemment, l'inverse opère aussi. Pourquoi dans la société, les idées qui viennent du simple individu ne se rendent pas à la tête? Où est le blocage? Le premier blocage est chez l'individu, qui est convaincu que son idée n'a pas de valeur parce qu'elle n'est pas accréditée par 1000 personnes. Une idée pour l'individu devient intelligente parce que d'autres l'accréditent. Moi, j'amène une chose et ma femme me dit « Ben oui, t'es bien niaiseux. » À un moment donné, on en parle à la télévision. « Ah, tu vois? » Là, comment se passe que j'ai intelligent? Parce que c'est accrédité. Et c'est le problème de la démocratie, d'ailleurs. Une stupidité étant accréditée, on va te couler. On ne se rend pas compte, c'est stupide. Alors, qu'est-ce qui fait que l'idée d'un simple individu, donc l'idée d'un homme, qui a autant de valeur que n'importe quoi ou n'importe qui, ne parvient pas à la tête de la société? C'est parce que lui ne pense pas que ça peut parvenir à la tête de la société. On a souvent l'impression que nos ministres, que les personnes qu'on va élire, que les ministères, etc., ce sont des personnes qui nous sont inaccessibles. Il faut bien comprendre que la société est impersonnalisée, même si elle a une personnalité. Chaque nation a sa personnalité. Alors, vous voulez voir Dieu, le premier ministre, et on passe par les anges. Le premier ange, il vous dit, « Oui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? » Pax, il est dans les papiers, Pax. « Oui, oui, je voulais rencontrer Robert Bourgeois. Oui, Pax, Pax. Oui. » Il dit, « C'est vous qui chez elle, Pax. » Quand tu as tapé ses papiers. Là, toi, tu as l'impression que c'est Barry Beret. Mais non, c'est sûr, tu commences pas par voir Lucifer. Tu vas voir Dieu tout de suite. Fait que faut que tu fasses une démarche. Faut que la personne fasse une démarche. Elle a une idée qu'elle écrit. C'est sûr que si elle écrit un papier au gouvernement, il y a plusieurs personnes, et c'est très intelligent, qui sont payées pour ouvrir le courrier. Ils la regardent, ça, poubelle. Ils la regardent, ça, poubelle. Ils regardent, ça, poubelle. Alors, sous l'enveloppe, il faut mettre quelque chose. Si le premier ministre ne lit pas cette lettre et ne me donne pas une réponse en dedans d'une semaine, je me suicide. Croyez-y ou pas, la personne, elle commence, elle regarde ça, elle ne sait plus, elle hésite, parce qu'elle se sent un peu responsable. Il ne faut pas qu'elle dérange le ministre et les conneries. C'est pas de réponse, ça n'a rien d'autre. Mon chum s'est suicidé hier. Si le premier ministre ne me répond pas, je me suicide moi aussi. Oh. Ils veulent avoir la lettre. Et si dedans, il y a une idée intelligente et vous exprimez intelligemment quelque chose, ils vont la lettre. Et les personnages, même si publiquement on les déshabille souvent, ne sont pas fous. Ils se sont rendus, malgré tout le monde, en haut. Vous avez une idée brillante, vous avez de quoi dire, il y a des choses qui ne font pas. Vous êtes contre le Parti libéral. Ce n'est pas des caves qu'il y a là-dedans non plus. Ils sont manipulés par un égrégore social que la société crée. Ils ne peuvent donc pas paraître nécessairement intelligents. Mais si on réussit à partir comme vous autres de monter jusqu'en haut, ce n'est pas des caves. Ils attendent de temps en temps que quelque chose leur sorte. Ils ne disent pas « Il m'a volé mon idée, le salaud. » Vous l'avez écrit pourquoi? Pour avoir l'ego de dire que c'est vous ou pour transformer quelque chose dans la société et appliquer de l'intelligence. Veux pas un jour énergétiquement, ça va vous revenir. Il y a des façons. La personne en bas se croit en bas. Servez-vous de votre intelligence et si vous avez une raison valable. Certains personnages, lorsque je fais un séminaire, me dit, c'est drôle, t'es plus humain, je pensais pas qu'on pouvait te parler. Il n'a jamais essayé. Quand je reste ici de temps en temps, je parle du monde. Lorsqu'on vit s'abreuver en énergie, là, je peux couper. Mais dans un séminaire, ben là, évidemment, on peut s'abreuver, on fait le séminaire pour ça. Mais je parle, et là, on me découvre. Je suis ce que je suis. Et si on rencontre n'importe quelle personne qu'on place à la tête, et psychologiquement et matériellement, ben on a l'impression qu'on ne peut plus toucher. Et là, vu qu'on est convaincu qu'on ne peut pas y toucher, soit qu'on ne veut plus rien faire, soit qu'on rentre en force. Dans les deux façons, on n'arrivera pas à y toucher. Peut-être une petite dernière question, c'est important que tu touches juste un peu. Un village comme Officer serait-il réalisable dans un avenir prochain? Et comment cela va-t-il se mettre en branle afin de créer cette société nouvelle? Et pouvez-vous expliquer Officer? C'est long, son signe. Ouais, un autre dans ta poche? J'ai plusieurs poches. Bon, réalisable dans un avenir prochain, ça va de soi. Quand on s'en fout? Est-ce que ça va marcher? Aucune importance. L'intelligence, c'est d'essayer de faire des choses intelligentes. Présentement, le centre travaille au niveau du projet. Plusieurs personnes travaillent au niveau du projet. On a plusieurs choses déjà avancées au niveau d'un système d'éducation. En l'occurrence, un programme de contrôleur. On a des choses qu'on va mettre en branle prochainement pour le concrétiser. Mais une chose qui est certaine, c'est que tous ceux qui vont vouloir, tous ceux que l'on connaît présentement parce qu'on voit ici ou qu'on voit ailleurs et qui attendent que le projet soit suffisamment en marche pour se joindre au projet, risquent de ne pouvoir jamais se joindre au projet. Parce qu'ils vont venir, parce qu'ils se collectivisent. Tandis que celui qui voit l'intelligence ou celui qui a des idées fera les démarches nécessaires pour en savoir plus sur le projet. On ne peut pas faire de propagande publique du projet, ça, on va avoir plein de monde.